pour ceux qui ne connaissent pas. Olivier, Marie, Laurent, voici Marie. Mika, tu connais Marie. Enchanté. Bonjour Mika. Ouais. Je vous dis bonjour. Et donc Marie, en fait, elle est numérologue, mais aussi c'est Marie la grand-mère, parce qu'elle a toujours un châle de grand-mère, tu vois. Elle fait un véritable poil. C'est quel animal d'ailleurs? Je pense qu'il ne fait pas ses propres poils. Non, c'est du chat. Du chat. Donc elle a toujours des châles en, voilà. En poil, de, bon chat. Poil de chat. Tu t'es jamais demandé ce qui était arrivé à ton chat? Si. Si, si. Non. Ah bah voilà. Il était jusqu'en Bretagne. Ah, le sagouin. Mais il est doux, il est chaud. Il est chaud. Toi, alors lui, il s'endort dans les podcasts. Oh il ronfle. Il ronfle. Il ronronne. Il ronronne. Donc, ouais. Attention, tu vas finir en châle. Eh. Oui. Je me tiens au carré. Je te tiens au carré, ouais. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Marvelicious, l'épisode 22. Ouais, je crois que c'est le 22, je ne suis plus sûr des mois. Aujourd'hui, c'est un numéro spécial avec des personnes spéciales. Aujourd'hui, nous allons faire cette deuxième partie suite à l'épisode 13 qu'on avait fait avec Mika. L'épisode 13 était consacré à la numérologie et les super-héros Marvel. Et on avait pu constater que, au moins, on s'était posé la question de savoir si... Eh bien, il n'y avait pas un numérologue chez Marvel pour trouver le nom et le prénom des super-héros, puisqu'en fait, on avait remarqué que pour les principaux, eh bien, leur thème correspondait au personnage. Voilà. Aujourd'hui, je suis accompagné de 1, 2, 3, 4, il y a une cinquième personne qui va arriver tout à l'heure, mais en tout cas de 4 personnes délicieuses. Les dames d'abord. Bonjour Marie. Bonjour. Ça va? Ça va bien, merci. La forme? Et toi? Ouais, oui, ça va, ça va. Deuxième d'accord. Podcast, c'est bon maintenant, t'es chaude là, t'es prête, t'es bon. C'est ça, c'est ça. C'est, là, t'es ready. Je suis à fond, je suis à fond. Ça a été pour faire les thèmes? Écoute, ça va, du coup, je connais pas les trois quarts des personnes, j'en connais genre deux ou trois seulement, donc j'ai hâte de voir si ça colle ou pas. Bon. D'accord, super. Surprise. Surprise. Et petite surprise aussi, c'est que sur les quatre invités, enfin quatre, plus Marie, cinq, mais en tout cas, elle a pu faire le thème de deux personnes. Et le but du jeu, c'est qu'avec Mika et les autres, on va essayer de trouver à qui cela correspond comme thème, en espérant que tu sois dedans. Voilà. Imaginons que ce soit dans 1000 sans connaître ces deux personnes-là, ça serait vraiment... vraiment drôle, voilà. Je suis accompagné aussi de Mika. Ça fait longtemps, Mika. Alors, je t'en veux beaucoup, parce que ça fait longtemps que t'es pas venu. Voilà. Parce que monsieur dormait. C'est ça, Mika. Bonjour, Mika. Oui, monsieur. Ah, il bug. Je suis très, très, très, très fatigué. Voilà, très fatigué. Bon, t'as eu un peu de vacances? Ouais. T'as profité? Mais bon, on va faire avec. Tu vas faire avec? Bon, bah, c'est super. Mais on est content. On est content. Et je suis accompagné, bien entendu, de Laurent. Bonjour, Laurent. Bonjour, Benji. Laurent qui a... Alors, attention, ce qu'il faut savoir, c'est que Laurent, il a dû investir, parce que là, il n'est plus avec son portable. Là. C'est avec ton PC, c'est quoi? Tablette? Non, c'est toujours avec mon portable, sauf que j'ai mis le casque. Ah, donc, bah du coup, en tout cas, la qualité on est super. Mieux. Eh ben, la voilà. Qualité est super, en tout cas. Ben, merci. Voilà, on va pouvoir entendre ta voix. Et enfin, inutile de le présenter... Il est là, il est beau, il est souriant, il a les tétons saillants, il est là sur le parc en train de se filmer. Oh oui, on l'appelle Olive in Wonderland. Hello tout le monde. Quel accueil, quel accueil. Attends, on va essayer de l'auditeur danser un petit peu. Voilà, ça t'en danse aussi. Voilà, c'est bon. Quel accueil, franchement, merci, merci. Attends, j'en ai prévu hein, pour le prochain podcast pour Laurent. On se croyait sur le campus, ça... là. Ça va pas être le même, ça va pas être le même, Laurent. Oh là là. C'est un autre style. Voilà. C'est pour Ashoka. Le prochain, c'est Ashoka qu'on fait, je crois, à mon souvenir. Donc, du coup, ça va être ça. Et j'en ai pris un pour Mika aussi. Donc, mais Mika, je le garde vraiment pour la fin. Bonjour, Olivier, ça va? Ça va, nickel, super. Ça va super, bon bah tant mieux alors. T'as été sur le parc depuis la dernière fois? Oui, t'as été plusieurs fois là. Ça fait 15 jours que je ne suis pas allé. La dernière fois que je suis allé, c'était avec Laurent, je crois. D'accord. Je ne suis pas retourné depuis. J'y retourne demain pour la soirée. Ah oui, on va tous se retrouver de toute façon, je pense au moins. Ouais. Aussi, donc voilà. Bon, les gars, c'est votre premier numéro sur la. Alors, il y a Pauline qui va arriver, vous inquiétez pas les gens. La duchesse d'Alsace va arriver tout à l'heure, ou de Lorraine. Voilà, va arriver tout à l'heure. Du coup, les gars, en fait, numérologie, le but... Alors, je ne sais pas si vous écoutez l'épisode 13, si vous ne l'avez pas écouté, je vais vous résumer en gros. En fait, j'ai fait une liste de 11 noms à Marie, et Marie va... Donc, on va les faire un par un. Généralement, c'est lié à une actualité du MCU, etc. Donc, on en parlera brièvement. En fait, Marie va nous expliquer le thème du personnage, et nous, on va devoir dire, bah voilà, effectivement, ça lui ressemble. Ah non, ça ne lui ressemble pas, etc. Sachant qu'à l'épisode 13, quand on l'avait fait avec Mika, globalement, ça ressemblait. Si je me trompe pas, Mika. Ensemble, oui. Même Batman, même non, c'était Hulk, je crois. Vraiment, là, Hulk, c'était vraiment le plus. Ouais. Ou le nom Bruce correspondait bien Bruce, pour ouais. Batman. C'est ça. Ouais. Donc, on avait fait Batman aussi. Ouais. C'est pas le MCU, mais on avait fait Batman ouais. En bonus. Et puis là, il y aura deux personnes parmi vous qui ont fait l'objet d'un thème. Donc, on verra si ça correspond. Voilà, on va voir. Marie. On a appris que. Alors, j'ai pris plusieurs noms, il y en a 11. Voilà. Alors, il y en a un, c'est une dédicace à Tony. Voilà. Mais vous allez voir lequel pour vous. Moi, certains devineront lequel. Le premier que j'ai choisi, c'est Wade Wilson. Alors, Wade Wilson, c'est qui, Olivier? Attendez. Wade, W-A-D-E, Wilson. Franchement, je ne sais pas. Le nom me dit quelque chose, mais je ne sais pas. Laurent. Mais pareil, cool, c'est vrai qu'on connaît le super-héros, mais ça te parle, hein. C'est un truc de malade, ça parle. Non, ouais, ça, mais je suis incapable de dire qui c'est. C'est vrai quand Mika. Mais Mika, il doit savoir quand même. Ah, c'est notre ami Deadpool, tout simplement. Ouais. C'est Deadpool. Ah, Deadpool, ouais. C'est Wade Wilson. Wade Wilson qu'on voit dans le film Wolverine Origins. Voilà. Oui, enfin, c'était pas la meilleure représentation, mais bon. Merci, Mika, pour la grâce. Voilà. Enfin, il y a Hugh Jackman, les gars. Donc, voilà. Ça... Ouais, il y a Hugh Jackman. Voilà. C'est la première fois qu'on voit Wade Wilson, c'est dans celui-là, mon souvenir. Et je ne l'ai pas vu ailleurs. Et puis après, il y a eu les films avec Ryan Reynolds, Deadpool 1, Deadpool 2, et l'actualité fait que. Deadpool 3 l'année prochaine, si je ne me trompe pas, c'est l'année prochaine. Oui, c'est l'année prochaine, je crois. Qui a pris du retard avec la grève des scénaristes en plus. Voilà. Mais en tout cas, le film Deadpool 3 est en production. Donc, du coup, voilà. Donc, il va sortir bientôt. Marie, alors, le thème de Wade Wilson, raconte-nous. Alors, Wade Wilson, il a un idéal. Alors, l'idéal, ça va être les voyelles. À chaque fois, quand je dis idéal, ce sont les voyelles. Et les voyelles, donc, représentent justement un idéal, c'est-à-dire c'est ce qu'on va avoir au fond du cœur, ce qu'on souhaite voir se réaliser. Et les consonnes, c'est ce qu'on va appeler le caractère. Et là, c'est ce qu'on va avoir comme base, comme fondation, comme squelette, quoi. Donc, Wade Wilson, son idéal, ça va faire 6. Donc, au niveau de son prénom, et du coup, son caractère, ça va faire 9. Donc, on est sur une personne dont le souhait profond, c'est l'harmonie, le soin et la diplomatie. Et c'est une personne, ça, c'est quand c'est équilibré, bien sûr, et c'est une personne normalement qui est responsable, qui aime prendre soin des autres, quitte parfois même à s'oublier. Et en négatif, par contre, ça pourrait être quelqu'un de maniaque, de critique envers les autres envers elle-même, et ne pas se considérer ou être dans la rêverie. Ça, c'est que pour d'accord, le prénom. Dans la rêverie. Ah, d'accord. Ouais. Au niveau, cette sensibilité va être accrue par donc le fait que le prénom, si tu veux, fasse 9, le caractère, les consonnes fassent 9, ça veut dire qu'il va être hypersensible, dévoué aux autres, refuser les limites, va être dans une quête de perfection et d'harmonie. Mais s'il est négatif, c'est ce que je te dis, il pourrait prendre ses rêves, en fait, pour des réalités. Et enfin, le nom Wilson... fait à nouveau 6 au niveau de l'idéal, donc on retrouve ce côté soin aux autres. Et pour Wade, on va retrouver un 14-5 en caractère consonne, donc, et ce 5 va lui apporter des capacités de changement importantes. Il va être adaptable, il va être débrouillard, quelqu'un qui peut savoir tout faire. Par contre, en négatif, ça pourrait être quelqu'un de dispersé ou carrément sombrer dans des excès. Parce que refus des limites plus 9, plus volonté de liberté 5, ça peut donner des comment dire, des excès dans le sexe, les drogues, l'alcool, ce genre de choses. Alors, j'ai plus l'impression que son Wilson est plus dans son caractère que dans son prénom. Wade, je sais pas. Ouais. Bah, j'ai pas fait le total en plus de Wilson. Et bah, du coup, tu retrouves un 29, 11, 2. Oh, 11, les gars, 11 mètres nombre. Voilà, je l'attendais. Maître nombre, c'est-à-dire que voilà. Alors, est-ce que tu peux expliquer les maîtres nombres, c'est 11, 22, 33. Juste, est-ce que tu peux expliquer aux gars et aux éditeurs ce qu'est un maître nombre? Un maître nombre, ça va être quand on retrouve deux fois le même chiffre d'affilée. Donc normalement, les numérologues considèrent le 11, le 22 et le 33 comme étant des maîtres nombres. Et certains autres continuent même après 44, 55, etc. Et donc l'idée, c'est qu'on va retrouver deux fois la vibration 1, là en l'occurrence pour le 11. Donc ça va faire de Wilson quelqu'un qui va être un super leader, un super thérapeute, quelqu'un de très inspiré, ça peut être un super enseignant. Bah, ça pourrait, mais après, ouais, je pourrait. Pense, vu que tu m'as dit Deadpool, ça ne me paraît pas trop collé, quoi. Par contre, en négatif, tu vois, dans le 11, on retrouve quelqu'un aussi d'hyper tyrannique, par exemple Hitler. Tu vois, il était marqué par le 11. Il est marqué par le 11 aussi. Ouais. Donc le 11, en fait, il est censé servir les autres. Tous les maîtres nombres sont censés servir les autres. Pour information, les gars, Captain America, il est 33, à mon souvenir. Voilà. Donc dans le soin aux autres, tu vois. Mais en négatif, du coup, ça peut donner quelqu'un, on avait vu pour Captain America, quelqu'un qui est un peu, tu sais, maniaque, qui est trop soucieux de son image, etc. Et bah là, du coup, en négatif, le 11, il peut être, comment dire, tyrannique. Et il peut aussi, comment dire, avoir des vagues émotionnelles. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il va très bien et où il pourrait être un peu même... comment dire, ça paraît presque bipolaire, c'est-à-dire qu'il se sent capable de tout faire, et puis à d'autres moments, il est carrément au fond du trou, et il va avoir besoin de se reposer près de quelqu'un. Voilà. D'accord. Mika, est-ce que tu trouves que ça ressemble à peu près aux super-héros? Alors, déjà, bonjour Pauline. Bonjour Pauline, il y a Pauline qui vient d'arriver. Bonjour Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour Pauline. Elle a un nouveau micro, mais il ne marche pas, j'ai l'impression. Attends, si j'active. Ah, elle active la bête. Ah. J'ai eu droit à laisser sur WhatsApp. Faisais. Bonjour. Est-ce que là... Vas-y, parle pour voir. Est-ce que là, vous m'entendez? Ah oui. On t'entend. Ouais. Ah oui. Ok. Ah là, oui. Ah, là c'est très bien. Attends, merci, Pauline. Merci. Avec grand plaisir. Donc... Mika, on était en train de faire le thème de Deadpool, Pauline. Donc la question qu'on pose à Mika, alors est-ce que tu trouves que ça correspond à son thème? Enfin, son thème correspond au personnage? Sur certains points, oui. Sur d'autres, pas trop. Surtout le côté négatif du personnage. Le côté négatif peut être assez proche sur le fait que c'est un perso qui est assez bipolaire, effectivement, voire complètement schizo, voire plus. Mais après, sur le soin des autres, je ne sais pas trop avec Deadpool. Il n'est pas trop en général dans la tendresse, la gentillesse. Il est un peu plus dans la folie. Sur le côté, comme tu as dit, un peu tyrannique, qui est complètement dans l'excès, oui. Oui, le perso est totalement dans l'excès quand il fait quelque chose. C'est trop, en général. Oui, c'est vrai que j'ai tout le temps l'excès. Olivier, Olivier, toi, tu trouves que ça ressemble... Bonjour, Olivier, bonjour. Je voudrais vous reposer la question de tout à l'heure. Est-ce que vous trouvez que le thème correspond au personnage ou pas? Alors, Deadpool, je le connais qu'à travers les films. Hein. Je connaissais le personnage visuellement. J'ai jamais lu de comics, donc je ne peux pas dire que je le connais beaucoup. Mais à travers les deux films que j'ai vus, ça correspond pas mal, oui, quand même. Surtout côté excessif, même sexuellement, il est excessif. Rien entendu, ça va être censuré. Oui, ça va être coupé. J'ai dit le mot qu'il fallait pas dire. Laurent, toi, tu as déjà vu les Deadpool? Je les connais pas trop. J'ai pas trop, tu les as pas connu. Mais je connais un petit peu le personnage quand même. Je suis d'accord avec le mot qui va revenir, je pense, c'est le mot excès. J'ai cru qu'il allait dire que c'était sexuellement. Non. Non, c'était donc du coup, c'est excessif. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui verse dans les excès. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il verse dans les excès. Ouais. Même dans l'attitude, les démarches qu'il a, les paroles, etc. Il est toujours dans l'excès. On va faire un deuxième personnage. On va parler après du film Deadpool 3, etc. Donc, vos attentes dessus, etc. Mais il y a un deuxième personnage. Il me paraît important de parler avant de parler de Deadpool 3. Alors, je ne sais pas si tu connais, Olivier, James Ouellet. Non. Alors, Mika, ça lui dit quelque chose, je pense. Son surnom, c'est Logan. Il est plus connu. Ah bah oui, d'accord, Wolverine. Voilà, c'est Wolverine. Mais c'est pas Logan. Voilà, c'est pas Logan. Non, c'est James. Tout le monde dit que c'est Logan, mais c'est pas Logan. C'est James Ouellet. James Ouellet, donc du coup. Hein, pourquoi on dit Logan, du coup, alors, si c'est pas Logan? Je ne sais plus, je l'ai su. Mika, tu te rappelles, toi? Simplement le nom qu'il a pris quand il est arrivé au Canada sa nurse qui l'accompagnait. Pour pas qu'il se fasse reconnaître, parce qu'il vient d'une famille riche anglaise de souvenirs. Anglaise, ouais. C'est ça. Oui, maintenant que tu le dis, je m'en souviens. Voilà, et en fait, il s'est appelé Logan, et puis du coup, bah, il a gardé le surnom de Logan. Donc voilà. Et donc, Marie, elle a fait le thème de Logan, donc de Wolverine. Alors du coup, ouais, je vais commencer par James Ouellet, et après, je vais parler de Logan. Alors pour James Ouellet, il a une expression 7, donc ça veut dire que le total fait 7 et c'est issu du 8 en idéal et en caractère. Donc en gros, il va avoir un fort côté ingénieur, analyste, méticuleux, un rapport au métal qui tranche, et cette personne recherche l'impact par des réalisations concrètes, matérielles ou spirituelles. Et elle peut être attirée par les domaines de la justice, du soin, chirurgien ou alors comme mécanicien. En gros, c'est l'idée de réparer, de donner du soin, et le côté métal, quoi, qu'on peut retrouver soit dans le scalpel, soit pour la mécanique, quoi, les outils. Et le nom de famille Ouellet fait 11-2. Donc, à nouveau, on a un maître nombre. Donc, on a une personnalité qui est inspirée et qui pourrait être ouverte à la spiritualité. Par contre, Logan, lui, c'est différent. Ça va faire une expression 22-4. Et donc, on retrouve encore un maître nombre, puisque là, 22 comme 22. 11, vous voyez. Ouais. Et donc, ça appelle le porteur à construire en grand au service de l'humanité. Donc, grande entreprise, grand bâtiment, grande relation. Par exemple, Sarkozy et Trump sont marqués par le 22. Et un 22 négatif, par contre, pourrait sombrer dans la dépression, la tyrannie, et mal utiliser, en fait, sa formidable énergie. Voilà. D'accord. Mika, alors, moi, je pense qu'on est dedans. Oui, je pense qu'on est dedans, surtout au niveau de Logan, mais de souvenir de la dernière fois, le dernier podcast, tu nous avais dit qu'il fallait surtout prendre en compte le nom ou le surnom que quelqu'un utilisait principalement, oui, tout le temps. Principalement, oui. Qui est plus Logan, mais quand tu dis le comics, en tout cas, où James Ouellet apparaît à l'origine, avant de devenir Logan, il a une personnalité totalement différente. Avant de devenir comme ça. Il était plus... à ne pas comprendre, en fait, sa famille le rejette de par sa différence, alors que lui cherche juste à être gentil, à faire les choses bien à l'origine, avant de devenir bouchon. Oui, c'est vrai. Olivier, on est dedans ou pas? Je saurais pas trop te dire, parce que Logan, le personnage, je connais pas tant que ça. T'as déjà vu le film ou pas, Logan? Oui, j'ai vu le film Logan, oui, tout à fait. Il est bien. C'est un super bon film, ouais. Et je trouve que ça aurait dû se terminer comme ça. On en parlera plus tard, mais... non, c'est un super film. Mais après, je trouve que c'est un personnage qui est quand même assez... En tout cas, à travers les films, parce que je connais pas assez les comics, qui est assez réservé quand même. Donc, on a du mal à cerner sa personnalité, en fait, je trouve. Il est assez solitaire Très renfermé, très... Laurent, toi, qu'est-ce que tu... Wolverine, tu connais le personnage? Ouais. Alors, est-ce que tu en penses quoi? Est-ce qu'on est dedans ou pas trop dedans? Bah ouais, je pense qu'on y est, quoi. Mais je viens, je rejoins Olivier parce que c'est vrai que c'est un personnage, on ne sait pas trop. Il est tout le temps en colère. Il est assez introverti, malgré que c'est quelqu'un qui exulte, qui bouge, qui est en colère. On est dedans. Je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Donc, pourquoi ces personnages-là? Tout simplement, ce que je l'ai dit tout à l'heure, il y a Deadpool 3 qui sort. Alors, Pauline, hâte ou pas hâte de l'arrivée de Deadpool 3? J'ai pas vu les autres Deadpool. Alors, écoute, non, mais au moins, tu sais ce que je me dis, je vais pouvoir enchaîner les trois. Oui, c'est vrai. Ouais, au moins, je me dis, j'aurais pas à attendre la suite. Vous avez dû attendre la suite, donc. Oui. Olivier, toi, tu attends plus que toi, tu l'as vu, toi, les Deadpool 1 et 2. Oui, j'ai beaucoup aimé les deux films d'ailleurs. J'ai même adoré. Le 3, j'attends de voir en fait. Parce que je pense que ça va complètement changer de ton par rapport à Logan, forcément. Ça va être plus dans le délire de Deadpool. Ça peut être exceptionnel comme ça peut être très casse-gueule en fait. Donc je suis un petit peu sur la défensive, mais enfin. Alors sachant que je suis prudent. 1 et 2, c'est pas Disney, c'est la Fox à la base. C'est parce que Disney a racheté la Fox. Oui, tout à fait. Tout à fait. Qu'ils ont les droits. Marie, tu as hâte, toi, de Deadpool 3 ou pas? J'ai pas vu beaucoup Deadpool. Je vois un peu le personnage, mais je pense que j'ai pas vu en entier. Par contre, je sais qu'il m'avait fait rire. C'était décalé, en fait. Ça m'avait fait rire. Oui, c'est complètement décalé. Voilà. Puis, en fait, comme dit Mika, il parle au quatrième mur. C'est ça que dit Mika, non? il brise le quatrième mur. Il parle à son cerveau, donc le perso est un peu un souci, quoi. Et la question que je me pose, c'est est-ce que ça va être effectivement la suite du 1-2 ou est-ce que c'est un Deadpool d'un autre univers, tu vois? Quoi? C'est la grande question. Ouais, surtout derrière au MC. Techniquement, c'est pas le même Deadpool. Ouais, normalement non, mais il doit le savoir. En fait, à mon avis, il sait. On va voir si c'est voilà, mais il le sait. Je pense qu'il sait que c'est pas le Deadpool du 1-2 s'il en parle. Parce que si. Et je pense qu'il joue. Ça va être édulcoré au niveau violence, j'ai bien peur. Ouais. Non, le film est classé R aussi comme les deux autres. Ryan Reynolds bosse dessus comme il a bossé sur les deux premiers. Le seul truc dont je pense, et je suis même quasiment persuadé à 200%, au vu des premières photos de tournage qu'ils ont faites, c'est qu'il faut savoir qu'en comics, Deadpool, à un moment donné, décide en fait, de détruire l'univers de Marvel. D'ailleurs, ça s'appelle Deadpool Massacre Marvel, je crois, à mon souvenir. Et t'as la suite, ouais. Et t'as la suite, c'est. Alors, moi, j'ai la suite que j'ai lue, c'est Remassacre Marvel. Excellent. Voilà, ouais. Et il y a ça que vraiment les super-héros. Hein. Ils n'arrivent pas à les tuer puisque les auteurs les ramènent toujours à la vie. Ils décident de tuer, en fait, à un moment donné, tu as Deadpool Massacre les classiques où il va tuer, en fait, les personnages de livres d'histoire classique et autres. Dont en fait l'inspiration a donné la création des personnages, différents personnages de Marvel, puis il va tuer les auteurs de Deadpool. C'est ça. Donc dans les comics, c'est assez particulier. Et je pense ensuite que les films vont amener à un Deadpool Massacre la Fox. Ah, peut-être, ouais. Simplement pour éliminer l'univers de la Fox, c'est passé sur un Deadpool MCU complètement. Peut-être. En tout cas, vous pouvez lire ce comics pour pas cher parce qu'il est à 6,99€. Un peu partout parce qu'en fait il y a une réédition il y a une édition chez Panini Comics, je crois que c'est les printemps des comics, ça c'est 6,99€, il est assez épais et en fait c'est vraiment drôle à lire, quoi. Ouais, enfin, moi, ça s'appelle Deadpool Remassacre, ils ont pas fait le premier mais Remassacre Marvel, c'est pas trop dur à comprendre, mais en fait c'est tellement délirant, c'est très drôle, très très drôle. Tu les as lus, toi, Mika? Ouais, moi je les ai lus, je les ai d'ailleurs. Ouais, moi aussi, ça se lit vraiment bien, c'est fluide et tout, voilà, c'est pas. Voilà. Merci pour ces deux premiers personnages, Marie. Écoute, on avance tranquillement, mais tes thèmes correspondent aux personnages. Alors, le troisième, c'est ce qu'on en a pas assez parlé la dernière fois. On n'en parle jamais assez. C'est Wanda Maximoff. Pauline, c'est qui Wanda Maximoff? Alors, Wanda Maximoff, c'est la sorcière rouge. Oui, bien joué, la sorcière rouge. Alors, Marie, comme le châle de Marie. Voilà. Marie a un châle rouge. Voilà. Dis-nous, Marie. Wanda Maximoff. Alors Wanda, ça va être quelqu'un de secret. et elle peut aimer se réfugier derrière une grande technicité, une froideur apparente, un contrôle parfait. Mais elle est certainement, au fond d'elle-même, très sensible et souhaite son idéal, en fait, c'est écouter l'autre et trouver son âme sœur. Elle a néanmoins besoin de changement du fait de ses consonnes qui font 5, et cela pourrait entraîner des réactions brusques au quotidien et des variations importantes de son humeur allant de l'énergie, du dynamisme, à la lenteur, à la déprime. Et son nom de famille Maximoff rappelle à nouveau sa technicité, on retrouve ce 7, son besoin de secret, mais ça va ajouter aussi le besoin d'impacter, le 8, et une énergie infinie pouvant la mener à une colère importante. Elle a le profil pour aider beaucoup, sachant être à l'écoute et compréhensive, psychologue, mais elle pourrait aussi devenir exigeante, intolérante, critique et despotique. Et enfin, son expression... Ah, despotique, carrément. Bah, elle pourrait en négatif. Après, moi, je ne connais pas le personnage. Je vois à Est-ce peu que tu as vu Doctor Strange, le deuxième ? Non. Ok. Je pense que les autres, ils ont compris pourquoi je dis ça. Ah d'accord, ok. Ouais. Non, j'ai pas. Mais je vois qui c'est le personnage parce que je l'ai vu dans des Marvel, mais je sais que c'est une Olsen, là, une des sœurs Olsen, mais ouais, son expression. La plus grande. Ok. Son expression totale indique néanmoins un besoin d'aider les autres et d'être une référence dans son domaine. Elle pourrait être bloquée par un syndrome de l'imposteur ou de la rigidité, et elle va devoir apprendre à se faire confiance avec douceur. Voilà, en numérologie. Oh, Pauline, est-ce qu'on est dedans? Totalement. Ah oui. Moi, je suis vraiment d'accord avec, du coup, avec tout ce qu'elle a énoncé. Et notamment le fait qu'elle disait au départ, toute cette technicité, etc. Quand on regarde WandaVision, on est complètement dedans. Hein. On est vraiment, vraiment dedans. Ouais. Donc, je trouve que ça correspond, mais vraiment, sur tous les points, à son personnage. Complètement. Et surtout, en plus, par la suite, avec tout ce qui est colère et le côté un peu tyrannique dans le Doctor Strange. Où là, c'est vraiment très, très imposant. Côté dépressif aussi, qu'ils disaient tout à l'heure. Ouais. Là, on est dedans. Olivier, on est dedans aussi, du coup, tu penses la même chose ? Tout à fait. C'est peut-être le personnage le plus complexe du MCU, en tout cas, je trouve. Et elle est imprévisible. Enfin, elle est excessive dans la bonté et dans la cruauté en même temps, tu vois. Elle est très complexe. J'aime beaucoup ce personnage. Dans ta recherche de l'idéal, ça me fait penser à sa relation avec Vision, d'ailleurs. On est tout le temps en quête de le retrouver, ouais. Etc. Et Vision, c'est l'être idéal, hein, donc au départ. Complètement, oui, c'est ça. Oui. Oui. Donc, Alors, bien joué, ce quoi. Alors, je crois que c'est sur les trois qu'on a fait, c'est celui-là où vraiment t'as tapé dedans. Alors, ce qui est bien, c'est que Marie connaît pas forcément tout le monde. Tout le monde. Les personnages, tu connais pas tous. Là, sur ceux que j'ai donnés, t'en as connu. Non, t'en connais aucun. De noms comme ça. Wade Wilson, je connaissais pas. Quand t'as dit après Deadpool, mais j'avais déjà fait le thème, donc je savais pas que c'était Deadpool quand je l'ai fait. Logan, je me doutais que c'était quand même Wolverine, je le connais un peu. Oui. Et Wanda, je l'ai vu dans un Marvel, un Avengers, je pense. Oui. Le deuxième, c'est Ultron, non ? Ultron, oui. Avec son frère. Ouais. Donc juste là-dedans, donc c'est assez mince. Avant de parler de Wanda concrètement, on va parler d'un autre... Oui ? Non ? Quelqu'un voulait parler ? Non, je pense pas. Ok. Avant de parler de Wanda plus concrètement, il y a un deuxième personnage. Alors ça, c'est quelque chose que j'attends avec impatience. Laurent, tu connais Agatha Harkness ? Oula ! Ah non, c'est pas bien, je ne connais pas. Ok. C'est la sorcière, non ? Mm-hmm. C'est les Midland. Allez, t'y approches. C'est son ancienne voisine. Ouais, enfin, celle qui est dans WandaVision, là. Ouais. C'est ça, c'est comment elle s'appelle. C'est Agatha Harkness. Alors, dans les comics, Mika, tu vas confirmer, c'est la mentor de Wanda. Elle est vieille, c'est en ça. Plus. Et c'est une mamie. Alors que là, c'est pas une mamie. Non, c'est pas une mamie, là. Non, c'est pas une mamie, mais dans les MCU, c'est une mamie. D'ailleurs, c'est une mamie, sans déconner, qui ressemble à la propriétaire des chats dans les Aristochats. Madame de bonne famille, c'est ça que ça s'appelle, je crois. Ah, je me rappelle. Ouais. Mais je vois le personnage, ouais. Voilà, en fait, c'est quasi le sosie, en fait. C'est vraiment un cheveu blanc. Là, c'est pas la même chose, alors, ouais. Non, là, ça n'a rien à voir. Elle est beaucoup plus jeune. Elle est beaucoup plus jeune. Physiquement, parce que niveau A... Ah oui, Mika. Ouais. Oui. Et je crois qu'Agatha Harkness est jouée par... Ah, je ne sais plus, c'est Catherine, mais je ne sais plus comment. Ah oui. Mais je sais plus comment elle s'appelait, j'ai regardé, c'est Catherine Anne. C'est ouais, ça. J'aime bien l'actrice, ouais. Oui, ouais, l'actrice, ouais. Elle joue super bien, je ouais. trouve. Elle joue super bien. Alors, hyper du coup, elle n'est pas brune à la base. Elle n'est pas brune à la base. Elle est pas brune à la base. Moi, je l'aimais bien, elle avait joué dans comment. Ah zut, c'est la série sur sur Netflix. Non, le film Glass Onion. Ah, oh, il est excellent. Ah oui, Glass Onion. Oh, d'accord. Voilà, oui. Elle joue Claire. Elle joue Claire. Oui, c'est vrai. Bien. Et comment et dans Hôtel Transylvania, le dessin animé. Je crois que c'est le dessin animé. Ouais, c'est ça. Hôtel Transylvania, elle joue Van Helsing, la voix de Erika Van Helsing. Elle joue la voix. D'accord. Voilà. Mmh. Ah oui, non, elle joue dans des pas mal de trucs. Hein. Donc, non, non, elle est assez connue. Après, voilà. Donc, voilà. Donc, Agatha Harkness, on en parlera après avoir écouté ce joli thème fait par Marie et préparé par Marie. Alors, dis-nous tout sur Agatha. Alors, sachant qu'on ne la connaît pas, nous, spécialement. Moi, je la connais dans la comics, mais dans le MCU, on n'a pas non plus été dans le personnage au plus profond. Alors, dis-nous. Alors, Agatha, elle est certainement très à l'écoute des autres et elle pourrait même avoir des talents de psychologue, voire des dons comme du magnétisme qui pourrait l'amener à soigner avec ses mains, par exemple. Son besoin de communiquer est bien présent. Son nom de famille indique un désir de prendre soin des autres et d'impacter par des actions. La routine n'est pas pour elle. Elle a un refus des limites et une sensibilité aux personnes fragiles, handicapées, rejetées. Elle peut elle-même avoir un profil atypique et cultiver cette différence. Et si son besoin de communiquer est présent, son besoin de secret la fera peut-être davantage s'exprimer, soit par écrit ou soit par l'art, donc danse, théâtre, peinture. Voilà. D'accord. Alors, bon, de ce que tu me dis, Mika, il va peut-être confirmer, mais on est plus sur le personnage du comics. On dit, ouais, j'allais te dire, ça ressemble beaucoup à sa version comics. Ouais. Effectivement, étant c'est la en mentor fait, ouais. de Wanda, donc. Elle est gentille, bienveillante, etc. Parce qu'elle est pareil, pas comme ça dans la série WandaVision. Olivier, comment tu l'aperçois, toi, dans la série WandaVision ? Bah, on la découvre surtout qu'à la fin hein, de la série. Donc, je la connais pas du tout à travers les comics. Donc Ah justement, ça qui est intéressant. Comme toi, parce que dans les comics, clairement, le thème que tu as donné, Marie, ça correspond à celle des comics. C'est à côté bienveillance, protectrice, etc. Et le truc, c'est que là, est-ce que tu as cette impression-là quand tu regardes Olivier la série Oui, peut-être la bienveillance quand tu as fait la voisine sympa, oui. En tout cas, dans la série. Mis à part ça, je n'ai pas cette impression-là non plus. Pauline, toi, pour toi, on est dans le thème ou pas par rapport. Par rapport à la série, je pense que du coup, vu que vous dites c'est plus proche des comics, je pense que là, de toute façon, au niveau série, on est. Je vois pas ce côté-là bienveillant ou autre, parce que de toute façon, même si elle fait un peu la voisine sympa, c'est qu'une facette, en fait, c'est qu'une partie de sa stratégie. Donc, en fait, c'est pas comment dire, c'est clairement une double facette. Donc, on voit ce que son côté négatif dans la série. Voilà, c'est ça, exactement. Je me demande, tu vois, quand même, si dans la future série qui sera sur elle, si on la revoit plus tard, justement, elle va pas vraiment servir de mentor et d'aide à Wanda, parce que ça te laisse quand même une impression qu'elle l'apprécie réellement quand tu la vois dans la série, qu'elle veut ses pouvoirs parce qu'elle trouve que l'autre n'est pas digne, mais que elle n'a pas cette méchanceté, j'ai l'impression, fondamentale non plus, à part qu'elle a tué Sparky. Non. C'est compliqué parce que le personnage, il est récent, donc je veux dire, on ne le connaît pas encore hyper bien non plus, donc on le découvrira dans la série. Et je pense que ce côté-là, comme tu dis, ressortira peut-être dans la série qui lui sera consacrée. Quoi. C'est ça. Donc la série qui est consacrée est censée sortir en 2024, ça s'appellera Agatha Coven of Chaos. Je crois que ça n'a pas changé de nom. Ils avaient pensé à un autre nom avant, de base, je crois. Bref. Ouais, c'est ça. Et maintenant, c'est Coven of Chaos. Et donc, c'est une mini-série qui est censée être un spin-off de Wanda. Enfin, je suis pas sûr que ce soit un spin-off. C'est censé sortir en 2024, mais comme vous savez tous, du coup, le calendrier était revu et re-revu et re-revu. Donc, du coup, les films qu'on espérait avoir en février, par exemple, on les aura pas avant juillet, etc. Donc, tout a été décalé. Il y a même des séries qui vont sans doute qui sont pas, qui ont été carrément déprogrammés. Je sais pas si vous êtes au courant. Il y a Ironheart, je crois, qui a été complètement déprogrammé, si je me souviens. Je regarde, mais je crois que voilà. Daredevil, c'est vachement décalé aussi, je crois. Oui, je crois que c'est décalé. Bah, il y avait Echo qui était sorti en décembre, mais je suis pas sûr que ça soit tenu. Et en plus, il y a certaines séries, de ce que j'ai compris, si normalement c'est un épisode par semaine, et il y en a certaines, ils vont mettre tous les épisodes d'un coup. Ok. Ou ça, voilà. Veut dire que c'est pas, ça veut dire que ça doit pas être terrible alors. Je sais pas. Bon, on verra après, tu sais. Mais ces décalages, ouais. Ils sont en rapport avec la grève des scénaristes ou rien à voir? Oui, c'est complet, ouais. Mais complet, ouais. Oui, c'est. Là, de toute façon, ça a repris, là, mais. Après ce que j'ai compris, c'est bon, ils ont repris le boulot, mais. Enfin, faut que ça se remette en route, hein. Ouais. Bah, si, les scénaristes, c'est-à-dire. Enfin, moi, j'ai souvenir d'une grève qu'ils avaient faite, qui a duré. Ils avaient pété ma série préférée de l'époque, c'était Lost. Ah ouais, c'est ma série préférée. Ça. Ah ouais, bah, d'accord, bah, Olivier. Faudra faire un podcast là-dessus, d'ailleurs. Je suis partant. Si tu veux, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, j'adore cette série, donc voilà. Ouais. Voilà, mais pour dire, c'est que comme on a quand même quand ils font grève, généralement ça impacte obligatoirement. Voilà. En fait, même pour la reprise, parce qu'en fait tous les projets sont arrêtés et tous les projets ne peuvent pas reprendre en même temps, du coup, parce que les scénaristes peuvent pas se démultiplier, donc c'est pas tous les projets qui vont repartir aussi sec tout de suite. Ouais. Ça va repartir progressivement, ça va pas être tout de suite. Hein. Voilà. Donc, voilà. Du coup, Laurent, t'es au courant qu'il y avait cette série-là qui sortait, je suppose. T'as hâte de la voir ou pas? Est-ce que t'avais vu WandaVision, toi? Bah, ouais, WandaVision, j'ai énormément apprécié. Mais ouais, Agatha, c'est un personnage qu'on découvre à la fin, mais j'avais pas un grand souvenir. Mais oui. Bah là, du coup, t'auras le droit à la connaître plus. Par contre, c'est un personnage qui est très intéressant, effectivement. J'attends bien la série. Oui, c'est vrai qu'en fait, comme vous dites, on sent qu'on n'a pas, il n'a pas été exploité jusqu'au bout dans la série. Il a commencé à être exploité à la fin. Donc voilà. On va parler d'un autre. Alors, Laurent, sais-tu qui est Matthew Murdock? Mon petit cerveau. C'est pas grave. Non, Pauline, c'est... tu vois qui c'est ou pas? Matthew Murdock. Oui, c'est l'avocat dans le. Dans Daredevil. C'est ça, bah, c'est Daredevil en fait. C'est l'avocat, okay. C'est Daredevil. Voilà. Non, parce que je l'ai vu dans She-Hulk du coup. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oh, le bonheur cette série. Ah, j'étais sûre. Dans Spider-Man aussi, on le voit. Mentionner la ouais. série. Cette ouais, série bon. She-Hulk. Ouais. En fait, c'est Daredevil, Laurent. C'est Daredevil. Que tu vois dans She-Hulk. Le dernier Spider-Man aussi. Et dans Spider-Man, ouais. Où il arrête un pavé comme ça. Il arrête un pavé, il dit je vous dis que je suis un bon avocat. En plus, vu qu'il est aveugle, il se regarde toujours comment il l'a vu arriver, le pavé, tu sais. Voilà. Alors, dis-nous tout, Marie, sur Matthew Murdock. Alors, Matthew, il a un refus des limites avec un profil plutôt humanitaire. Il aime bien divertir ses amis avec gaieté et légèreté, car au fond de lui, il veut que tout le monde trouve sa place et se sente bien. Son nom de famille indique qu'il est une personne fiable. Pleine de bonté et sur qui on peut compter. C'est surtout un super constructeur, parce qu'on retrouve le 22-4, qui est là pour œuvrer en grand, puisque son idéal fait neuf, son caractère donc 22-4. Il est donc là pour servir l'humanité grâce à son idéalisme, son altruisme et son mental très organisé et énergique. Il peut néanmoins avoir certains côtés rigides et doit veiller à ne pas être trop têtu. Il peut trouver son équilibre par le travail en ayant soit un cadre précis, par exemple en étant scientifique, bon là vous me dites qu'il est avocat, ou un aspect très pragmatique comme menuisier. Il est là pour apporter du soin et améliorer la vie des gens. Voilà. Bah, il est scientifique parce que le droit est une science. Donc du coup, okay. C'est pas une science dure, c'est une science douce, mais ça reste une science. Donc du coup, on peut dire qu'il est scientifique. Voilà. Mika, on est dedans ou pas? Complètement, je trouve. Ouais. Alors, est-ce que j'ai une question à te poser? Est-ce que par rapport au thème, parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est un peu solitaire. C'est pas quelqu'un qui aime forcément être en équipe. Dans les comics, il est souvent seul, ou quand il est en équipe, c'est avec ses amis, c'est-à-dire Elektra, etc. Enfin, avec son domaine. C'est pas celui qui va automatiquement aller vers Captain America pour dire attends, je vais être un Avenger, etc. C'est pas ce style-là. Est-ce que dans son thème, c'est quelqu'un qui peut être solitaire ou qui a besoin des autres? Ouais. Alors en fait, je vais te le découper. Mathieu, si tu veux, le prénom, il a 6 en idéal et 3 en caractère. Et donc, si tu veux, le 3, c'est l'enfant, c'est joyeux, ça apporte de la gaieté. Et le 6, c'est la maman, c'est responsable. Et ça nous donne 6 plus 3 du 9. Donc là, c'est plutôt l'altruisme, l'humanisme, il est plus tourné vers les autres. Mais après, il y a un autre D'accord. paramètre, il y a Murdoch. Et du coup, Murdoch, en voyelle, ça fait 9. Et du coup, on retrouve le côté altruiste, humaniste, ouvert aux autres. Et en consonne, ça fait 22-4. Donc le 4, si tu veux, déjà, c'est un nombre qui, de base, est un peu moins sociable, dans le sens où c'est quelqu'un de plus. Donc quand le 3, c'est l'enfant, si tu veux, le 4, c'est quelqu'un de plus posé, carré, sur qui on peut compter, mais qui peut être aussi plus renfermé, plus introverti. Et après, en fait, il faut que tu additionnes ton 3 et ton 4. Et là, tu retrouves du 7, donc c'est-à-dire le total de Matthew Murdock, tous ces. C'est comment D'accord. dire, ces consonnes vont faire 7, et là, 7, tu retrouves le nombre du secret. Ça veut dire que son squelette, ses fondations, puisque c'est les consonnes, font de lui quelqu'un de secret, qui va pas se livrer facilement, Oui, c'est qui va ça, pas forcément, qui va Ouais, t'as raison, du peut-être, coup. dans le 7, il y a le secret, mais il y a aussi la façon de cultiver la différence, comme je disais tout à l'heure. Donc peut-être que lui se sent différent, ou qu'il aime aider les gens différents, ou les personnes rejetées, qui est sensible à ça, Alors, en fait, du coup, tu vois. il utilise sa profession d'avocat, par exemple, pour aider les victimes. En fait, si la justice n'a D'accord. pas fait son travail, un Mika Zebrez, il va y aller lui-même. Voilà. Oui, justicier derrière. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc ouais, t'es dedans. Et pour information, parce que les copains, je crois que tu disais tout à l'heure, c'est le 6, l'idéal, la maman. C'est ça. Hein? Oui. Voilà. Et dans l'épisode 13, j'ai trouvé que. On avait vu qu'en fait, beaucoup de super-héros avaient le chiffre 6 qui ressortait. Oui, De la c'est vrai, maman, ouais. l'idéal, etc. Je ne sais pas si tu te souviens, Mika. C'était à peu près ça. Voilà. Les gars, tiens, Olivier, est-ce que tu as vu la série sur Netflix? Enfin, maintenant, elle est plus sur Netflix, elle est sur Disney+, mais Daredevil. Bien sûr. Alors, t'en as pensé quoi? Bah pour moi c'est encore la meilleure série Marvel, même si c'était Ouais. pas jamais faite. Même point de vue histoire et mise en scène. Enfin, il y avait des séquences des plans séquences de combat hallucinants. Enfin, c'était vraiment super bien écrit, bien joué. Enfin, c'était parfait quoi. Tu as vu C'est Marie, la série sur Netflix? Enfin, à l'époque c'était Netflix, mais Non. Daredevil, non? Non, tu l'as pas vu Non. du tout. Non, j'ai pas vu. Mais je connais le personnage parce que j'ai dû le voir dans un film. Mais il faudrait que je voie la Oui, t'as un série, film avec ouais. Ben Affleck qui est sous-côté. Voilà. Laurent, Ouais, oui, t'as bien aimé. moi j'aime bien, avec Colin Farrell là, qui fait le méchant. Oui, c'est ça. Avec Ben Affleck qui fait Daredevil, d'ailleurs. Voilà. Oui, c'était pas mal. Enfin, c'était Oui, j'aimais distrayant. bien. Puis la musique, Ouais. c'était Evanescence, à mon souvenir, c'était trop bien. C'est ça. Les débuts d'Evanescence. Ouais. Enfin, je trouve qu'il est sous-coté. C'est un bon film à regarder. Je dis pas que c'est le meilleur, mais tu le regardes, t'es tranquille, t'es assis, voilà, t'as Ben Affleck, t'es content. T'as Jennifer Garner, je crois aussi. Garner, Voilà, t'es ouais. content. Voilà. Donc, Pauline, tu as vu quand même le film ou les séries sur Netflix ou Disney Plus, Daredevil? Non, là, je l'ai juste vu dans She-Hulk, du coup. She-Hulk. Faut que tu regardes la série sur Disney Plus. Laurent, tu l'as vu toi ou pas sur Disney Plus ou Netflix Non. Alors, il faut vraiment regarder. Parce qu'en fait, c'est. Non, non, non, c'est des séries, c'est ce genre de séries, tu passes à côté. Mais en fait, tu es vraiment impliqué dedans. Et en fait, Daredevil, il faut les regarder avec Luke Cage, Jessica Jones et Iron Fist, qui sont pour moi nettement moins bien. Je sais pas si vous avez vu, toi, Olivier, tu l'as vu? Non, tu les as vu? Jessica Jones, j'avais bien aimé quand Vous avez même. bien aimé aussi, ouais. Olivier, Mika, t'as vu toi les autres ou pas? Alors, je les ai vus. Je trouve que Jessica Jones, c'est vraiment, vraiment bon. Luke Ouais. Cage, passé encore sur la première saison, surtout la Ouais, deuxième, la deuxième, elle est pas terrible. Iron Fist, alors là, tu. c'était vraiment une plaie Ouais, à à regarder. Randy, j'ai tout oublié, tu vois. Ouais, c'est ça. Par contre, et du coup, ils ont fait un spin-off qui s'appelle The Defender, comme dans les Ouais. comics, en fait, qui réussit les 4. Et moi, j'ai plutôt bien aimé The Defender, notamment avec Daredevil, quoi. C'est ce qui était là. Par Donc, contre, voilà. le Daredevil remasterisé dans chez Hulk, j'aime pas du tout. C'est celui qu'on va avoir dans la nouvelle Il est série. en costume jaune, à mon souvenir. C'est Ouais, mais. costume originel. C'est son costume, parce que son costume originel, il est jaune parce qu'en fait, il est fait avec le. Parce que son père était boxeur. Et son costume jaune est fait avec le. J'allais dire la robe de chambre. C'était le maillot de son père, en fait. Voilà, le maillot de son père, sorte de robe de chambre qu'ils ont les boxeurs, c'est avant de rentrer sur le ring. C'est un truc en soi, là. Donc. Non, mais non, je te parle pas. Coucher, allez. Je parle pas de son costume, mais je trouve que le personnage, c'est pas le même. Non, c'est pas le même. Tu vois, c'est pour ça que la série là qu'ils ont prévue, c'est pas censé être la suite de. Ouais, ça me fait très peur. Enfin, même acteur, non. Mais c'est pas le même. C'est pas le même personnage. Bon, je vais te rassurer. C'est Charlie Cox. Voilà. T'as déjà vu un film mauvais avec Charlie Cox? The Defender, pour la série. Mais non, mais il est bon, Charlie Cox, franchement. Il est bon. On va dire ce qu'il est. C'est pas sa faute à lui, là. Ouais, c'est vrai que c'est pas sa faute. Bon. Et puis dans She-Hulk, il joue trop bien. Donc, ouais. On va faire. Oui, je sais que vous n'êtes pas fan de cette série, mais parce qu'elle est incomprise. C'est tout. C'est She-Hulk qui est incomprise. C'est à propos parce que. Il fallait comprendre quelque chose des effets spéciaux. C'est ça, oui. C'est méchant avec cette série. Non, ça pourtant, va. J'adore l'actrice, hein. Franchement, dans. Je sais pas si tu l'as vu dans Orphan Black sur Netflix. Si, si, si. Oui, ouais, elle est hallucinante. Hein. C'est une des meilleures actrices qui existent. Hein. Franchement, elle est impressionnante. Mais en fait, c'est la fin de She-Hulk qui est bizarre. Je trouve qu'en soi, la série était pas mal, mais je trouve que c'est la fin qui était particulière. Moi, j'ai aimé que le premier épisode, moi. Après, c'est catastrophique. Pour moi, c'est. Oh, c'est dur. C'est dur. Mais bon, avant. Après, bah, on dit que c'est dur, hein. C'est ce que pense Mika, lui, de Fury. Oui, tout à fait. De Secret Invasion. Il dit, la série, le premier épisode, ça va. Et puis après... J'ai préféré She-Hulk à Secret Invasion. Ah, allez, pan. Alors, Olivier, pan. Pan, Olivier. Pan dans les dents. Bah, tu vois. Moi, j'ai adoré Secret Invasion, donc tu vois. L'invasion secrète. Mm. On va faire un autre personnage maintenant, qui est le personnage préféré de Marie. J'allais le dire. Peter Quill. C'est ça. Star-Lord. C'est ça. Star-Lord. Alors, raconte-nous, Star-Lord. Quel est son thème? Du coup, il va y avoir les deux. Il va y avoir Peter Quill puis Star-Lord. Alors, Peter Quill, du coup, il est leader, il est solaire, il est moteur, il est marqué par le 1 en idéal et en caractère, donc en voyelle et en consonne. Il est là, en gros, pour tracer sa route hors des sentiers battus, en mode « qui m'aime me suive ». Son nom de famille révèle de bonnes capacités de communication, de l'humour, de la créativité, un côté léger et enfantin. Il a besoin de changement et la routine n'est pas pour lui. Il pourrait, en négatif, avoir un côté colérique et inconstant. Et au niveau de l'expression totale, on retrouve du 22-4, donc 22 mètre nombre. Et du coup, un besoin de construire en grand, voire en très grand. Dans les faits, je trouve que ça correspond bien à la création d'une nouvelle terre, par exemple, pour protéger un grand nombre de personnes. Il est là pour œuvrer pour l'humanité et refuse les limites psychiques, physiques. Par exemple, le fait qu'il soit dans l'espace, ça lui correspond bien. Thomas Pesquet aussi est marqué par le 9, ce refus des limites-là. Donc, pour le côté espace. Et Star-Lord a à peu près les mêmes vibrations. Donc, ça veut dire qu'il a à peu près les mêmes nombres que Peter Quill. On va retrouver les mêmes capacités et toujours le maître nombre 22. Par contre, lui, Star-Lord, il est plus fiable, il est moins inconstant. Il est aussi un peu plus rigide que Peter Quill parce que Star-Lord est marqué par le 4. Donc, le 4, je vous ai dit, c'est les 4 chaises, enfin, les 4 pieds d'une chaise, les 4 murs d'une maison. Hein? Donc, le 4, il est fiable, on peut compter dessus, c'est la boîte fermée. Alors que le... Peter Quill, il est marqué par le 5. Et le 5, c'est la liberté. Il est libre comme l'air. Les 5 doigts de la main, il touche à tout. Il sait tout faire. Mais du coup, il est moins constant et moins stable. Et Star-Lord, il a un jardin secret, par contre, important. Et il peut se réfugier dans la musique, le 7, les 7 notes de musique. Dans la musique, oui. Dans la mécanique, pour le métal et la technicité. Ou encore dans les écrans. Mais il peut être insensible à la spiritualité, mais sera forcé par des événements de sa vie à sourire à cela. Voilà. Alors, du coup, tu nous avais dit avec Mika que, en fait, et Mika l'a répété tout à l'heure, c'est qu'en fait, les surnoms, voilà, les noms de super-héros sont plus révélateurs, c'est ça, de la personnalité que leur vrai nom. En fait, le nom qui va être le plus révélateur, c'est celui qui est le plus utilisé. Par exemple, tu prends. Batman, son nom Batman va être révélateur de quand il est super-héros, et Bruce Wayne, c'est quand il va avoir une double personnalité, du coup. D'accord. Donc, je sais pas, pour Star-Lord ou pour Peter Quill, je sais pas quel est le nom le plus utilisé pour le coup. Je connais pas assez bien. Ouais. Laurent, toi, t'avais beaucoup aimé Gardiens de la Galaxie. T'avais adoré ce film-là. Hein, faut dire ce qu'il y est. On a tous cru que tu dormais. Hein. Oui, parce que là, t'allais t'endormir. Je sais que t'allais me chercher à me piéger, là. Mais non, t'avais un œil ouvert. Voilà. Laurent, alors, faut savoir, Marie, c'est que Laurent est un grand fan, comme Pauline, des Gardiens de la Galaxie. Oui, j'adore aussi. T'as été voir le 3 ou pas, Marie? Ah oui, j'ai adoré. Ah, t'as adoré, oui. Alors, Laurent, est-ce que cette description de Peter Quill à K Star-Lord, on est dedans ou pas pour toi? Ouais, je trouve. Notamment le côté de la musique, je sais pas. Tu parlais de musique, c'est ça? Il aime bien s'isoler dans la musique? En fait, ouais, le 7, il est technicien, il aime bien les métaux, mais ça peut être quelqu'un de secret, mais aussi dans la musique. Le 7, c'est les 7 notes de musique, et du coup, si tu veux, ça peut être quelqu'un qui se réfugie là-dedans. La 7? Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Non, il n'y a pas 7. La 8. Ah non, ici, il y a 7. T'as répété Do, c'est 2 fois. J'ai répété Do, oui, c'est vrai. T'as Marie. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Ah oui, c'est bon, si. Allez, j'ai redit le Do. C'est bon non, oui, okay. Si. Voilà. Merci, Marie. D'accord. Pauline, toi, tu trouves qu'on est dedans ou pas? Oui, je trouve le côté, on sent bien le côté enfantin, un peu humour de Peter Quill, et après ce côté fiable de Star-Lord, je trouve vraiment que ces côtés-là, ils ressortent vraiment chez ce personnage, et puis le côté musique, totalement. Parce que si les trois films, ils sont aussi autant appréciés, c'est par les playlists qui sont jouées dans le film, mais on est vraiment, c'est une grosse base pour les trois films, donc je suis totalement d'accord. Et puis l'espace surtout, c'est impressionnant. Ouais. Mmh. Oui, l'idée de qui même me suivent aussi, il est pas, il est aussi marqué aussi. Donc non, là-dessus, on est dedans. Alors Marie, tiens, vu que t'étais pas là, l'enregistrement de l'épisode sur Guardian Galaxy, l'épisode 3, volume 3, on avait débattu pour savoir si on le reverrait, parce que tu sais, à la fin, la scène post-générique, c'est marqué le légendaire Star-Lord reviendra. Pour toi, il reviendra ou pas? Ah, moi, j'ai écouté le podcast avec plaisir, et du coup les débats aussi à la fin, et moi j'étais déçue à la fin du film, parce qu'en fait l'idée que les gardiens de la galaxie reviennent pas, moi j'ai tellement aimé, et puis j'adore Drax, mais il me fait tellement rire, donc il est vraiment drôle, et surtout dans celui-là je trouve plus drôle que dans les autres, mais plus ça va, et du coup j'ai dans revu deux il est drôle aussi, ouais. Et donc du coup tu voudrais bien qu'il revienne ou pas? Ben, j'aimerais bien que les gardiens viennent, et puis j'aimerais bien gardiens viennent pas, au moins Star-Lord, au moins Peter Quill, parce que vraiment c'est les meilleurs films, enfin c'est ceux que je préfère de super-héros, là, d'Avengers, etc. Je les trouve vraiment drôles. Oui, c'est vrai qu'ils sont bien. Mais le truc, c'est qu'ils risquent de revenir en solo, ils risquent pas de revenir avec les autres. Mais Mika nous avait parlé l'autre fois qu'il y a un autre Star-Lord ou une autre, ça peut être une femme aussi. Oui, c'est vrai. Femme pensée. Justement, disons que Star-Lord, c'était pas le seul à porter ce nom-là. Donc, à mon avis, ça ne sera pas lui. Alors, ça peut aussi, parce que l'autre... Bah, s'ils disent le légendaire Star-Lord, je crois. Ouais, non, Star-Lord, en anglais, je crois qu'il y a Star-Lord, pas de bleu, ouais, Star-Lord. Mais c'est dur, en plus, t'annonce ça à la fin du film, où lui, il apparaît dans le dernier plan. Je trouve que ce serait bizarre de pas faire... Enfin, je l'acteur... Je vois pas comment il peut faire intervenir Locke, sachant que c'est Kitty Pryde qui est du coup Shadow Cat des X-Men. Mm. Qui devient Star-Lord. Donc c'est celle qui passe à travers les murs. Et quand elle touche un appareil électronique, elle le démontre. Entre les trucs dimensionnels, qu'elle peut un peu se déplacer dans les airs aussi. Enfin bon... qui est la meuf de Star-Lord, en fait, dans les comics à ce moment-là. Et comme lui, la différence, c'est que dans les comics, Peter Quill, en fait, n'est pas l'enfant d'Ego et compagnie. C'est un fils d'un roi, en fait, et il se retrouve, en fait, à devoir prendre son rôle de souverain sur sa planète. Et du coup, c'est Kitty qui va prendre le costume et continuer le rôle de Star-Lord et diriger l'équipe. Ok. Alors, les amis, je vais vous parler d'une pépite que vous ne connaissez pas. Je suis persuadé. C'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Même Marie, ça risque d'arriver. C'est un podcast qui est fait par Audible Originals. Je ne sais pas si vous connaissez Audible. C'est Amazon. Voilà. Oui, c'est je vous invite audio. À taper sur Internet, sur Google, Audible Originals, et vous tapez Star-Lord Marvel Westlanders. Et Westlanders. Et en fait, c'est un podcast de 10 épisodes. T'as l'impression d'avoir une série télé. C'est Antoine Decaune qui fait la voix de Star-Lord, et c'est à son acolyte qui est tout le temps avec lui. Garcia, José Garcia. José Garcia, oui. Qui fait Rocket. Qui fait Rocket. Non, ça doit être excellent. C'est cool. Alors, je vous le dis, j'en ai des poils qui se hérissent, regardez. C'est, mais, non, mais regardez. Tapez sur Google, tapez Star-Lord, et là, je le fais avec vous. Pour ceux qui nous écoutent, vous tapez Star-Lord et vous tapez Marvel Westlander. Et en fait, je vous explique l'histoire. C'est en fait Star-Lord, 30 ans plus tard, donc assez vieux, depuis plus de 30 ans que l'on connaît, qui a une mission, c'est de retrouver le Vortex Noir sur Terre. Et en fait, on découvre que la Terre est dominée par Fatalis. Voilà. D'accord. Et vous avez vu dans Westlanders, non ? C'est peut-être... Voilà. Et ça change des séries télé. Ça change de films. C'est quelque chose que tu écoutes. Et Antoine Decaune et José Garcia sont talentueux. C'est franchement, déjà rien que Rocket. Je pense honnêtement qu'écouter José Garcia qui fait Rocket, très énervé, tu sais, Rocket énervé, dynamique, machin, etc. On sait tous que José Garcia, il a pu jouer Mushu dans Mulan, justement, qui jouait d'ailleurs super bien. Et ben, on retrouve ce José Garcia un peu énervé, etc. Comme ce Rocket assez excité, tu sais, qui est en conflit des fois avec Star-Lord, etc. On retrouve leur amitié, etc. Et en fait, c'est une série où Peter Quill et Rocket donc vont chercher ce fameux... voilà. Et sachez, ce que je vais continuer là-dessus, c'est que le 29 novembre, donc demain, sort le deuxième... Hein ? T'as dit 29 novembre, demain ? Pardon, 29 septembre. Le 29 septembre, donc demain, sort Hawkeye, Marvel Westlander. Et de fait, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a, il y en aura 4 ou 5 avec des super-héros différents. Et comme je vous ai dit, Rocket et Peter Quill, je ne vous spoil rien quand je vous dis ça, c'est l'histoire principale. Voilà. En fait, Peter Quill et Rocket arrivent sur Terre, voient que c'est dominé par Fatalis. Voilà. Donc, et ils découvrent en fait qu'il y a eu un soulèvement de super-vilains. En fait, tous les super-vilains sont réunis et ils ont tué, casé l'intégralité de tous les super-héros qu'on connaît. Et il en reste quelques-uns, dont Star-Lord. Enfin, c'est normal, ils étaient dans l'espace, donc ils n'ont pas pu le choper. Mais il reste sur Terre Wolverine. Donc, ils ont prévu le Wolverine. Ils ont prévu Hawkeye, qui sort demain. Et il y a Black Widow. Et en fait, autour de ces quatre séries, on aura l'histoire de Marvel Westlanders. Je vous conseille réellement de l'écouter. Je l'ai découvert par hasard. C'est comment... Vu que je suis abonné à Audible, en fait, j'écoute des podcasts. Et c'est marqué, c'est suivant ce que tu aimes, etc. Et ils me l'ont proposé. Donc, je me suis un peu renseigné. Et j'ai vu Antoine Decaune qui fait la voix de Star-Lord. Et José Garcia, et c'est bluffant. Voilà. Donc, je vous le conseille. Franchement, c'est il y a 10 épisodes de 20 minutes. Vous voyez, c'est comme une série qu'on regarde, comme un WandaVision, vous voyez, qu'on regarde. Et donc, ça s'appelle Marvel Westlanders Star-Lord. Donc, c'est déjà sorti, mais demain sort Hawkeye. Et puis après, tu auras Wolverine et voilà. Voilà. Je vous le conseille. Franchement, écoutez-le et dites-moi plus tard ce que vous avez pensé. Voilà. Ouais, ça aurait été sympa. On pourrait même faire un podcast dessus. Ça me dérange pas du tout. Voilà. J'ai écouté ça. Ouais. C'est excellent. Non, mais je vous le dis. Oui, je le vends bien. D'ailleurs, on m'a reproché, vous savez quoi, sur le dernier podcast avec les filles ? Pauline ? Ouais, vas-y. On m'a reproché d'avoir vendu le jeu. Et du coup, j'ai reçu, je sais pas, une trentaine de messages qui disent « Oh, je me suis acheté, en fait, c'est trop bien, tu m'as donné envie et tout. » Donc, sache, Pauline, que vous avez donné envie avec Julie d'acheter le jeu. Voilà. Trop bien. Donc, ouais, donc voilà, donc ça fait plaisir. Voilà. Après, on m'a sorti, ouais, les citrouilles, ça rapporte. C'est bon, ça, j'en ai eu pas mal aussi. Voilà. Mais bon, en tout cas, allez lire. Bah, franchement, moi, je vous propose, vous l'écoutez, puis genre, vous en écoutez 2-3 et vous me dites ce que vous en avez pensé. Mais je pense qu'on va faire un podcast dessus. C'est vraiment excellent. Antoine Decaune et Garcia, c'est bluffant. J'aurais pas cru au début, et en fait, ça passe. Voilà, voilà pourquoi je voulais qu'on parle de Peter Quill pour cette actualité-là. Super bien. Alors, on a un autre personnage que j'ai prévu. Là, c'est à mon ami Laurent. Sais-tu qui est Scott Lang ? Ça te dit quelque chose, Scott Lang ? Je t'aide, tu le vois à Avengers Campus. Ça me dit quelque chose, en plus. Tu le vois à Avengers Campus. D'ailleurs, c'est là où j'ai mangé, où j'ai rencontré Olivier pour la première fois et nous avons mangé... Regarde-moi, Laurent. C'est le lapin blanc dans la liste. Excellent. L'imitation est folle. Je fais bien. Hein. Ah oui. Oh là là. Sur le crâne chauve, ça rend bien aussi. Ça se voit bien. ça te va bien. Je peux le faire aussi, moi. Alors, Laurent, Scotland, qui c'est? Ah là, j'ai un trou, là. Désolé. C'est pas grave, ça arrive. On a mangé au PIM, alors. Qu'est-ce que, PIM c'est quoi le PIM? PIM c'est quoi le PIM pas... C'est à côté des toilettes, pas... ça, non? C'est pas Peter Parker, quand même. Non, Scott Lang, c'est Ant-Man, l'homme fourmi. Ah. Ouais, il est tard, Laurent. Alors, les gars, si j'ai prévu de faire un quiz un jour, n'ayez pas Laurent dans votre équipe. Non. T'as pas reconnu, ou l'équipe qui a Laurent, je lui fais que point double. Je t'imitais la fourmi, Laurent. Ouais, c'était vachement bien. Les gars, c'est qui t'imite demain soir? C'était bien imité. C'était bien imité, pourtant. Désolé. Marie, alors, que peux-tu nous dire sur Scott Lang? Du coup, Scott Lang, c'est plutôt un indépendant solitaire, secret, qui a besoin de changements au quotidien. Il expose un côté très avenant, voire joyeux, mais on sait assez peu de choses de lui. Il a un côté maternel qui prend soin des autres et une énergie qu'il peut mettre au service des personnes. Sa créativité l'aide à trouver des solutions aux problèmes. On est dedans, Mika, ou pas? Je dirais que oui, surtout par rapport au film. Alors moi, je le connais très peu dans les comics. Vu que c'est le deuxième Ant-Man. Mais je trouve que oui, on est assez proche au niveau maternel, surtout avec sa famille. Secret du fait que ce soit quand même un voleur à l'origine. Et débrouillard, on voit vachement bien dans le premier Ant-Man le côté débrouillard pour ouvrir le coffre. Donc pour moi, on est à 100% dessus, au moins par rapport au MCU. Laurent, est-ce que tu as vu Ant-Man Quantum Mania? Oui. Alors, est-ce que tu l'as bien aimé ou pas? Ouais, ça va, j'ai bien aimé. Ouais. Il t'a pas marqué plus que ça ou vraiment t'as passé un bon moment? J'ai passé un bon moment. Et toi, Olivier? Ouais, moi j'ai beaucoup aimé le dernier, j'ai pas compris le bashing qu'il y a eu sur ce film. J'ai trouvé ça très sympa. De toute façon, les trois Ant-Man, j'aime bien, moi. Donc, Oui. Ouais. Pauline, toi, tu l'as bien aimé, Quantum Mania? Écoute, ça va. Ouais, il était bien. Mais après, voilà, moins bien que les deux autres, forcément. Mais ça va, je trouve pas trop... Ça va. Marie, toi, tu l'as vu ou pas, Quantum Mania? Non. Je ne savais pas que c'était non plus Scott Lang. Je découvre. Voilà, bon, bah, tu découvres. Mais du coup, quel Marvel tu regardes principalement? C'est quand plutôt Gardiens de la Galaxie, tu as regardé les trois Gardiens, je suppose, au cinéma? Ouais, moi j'aime beaucoup les Gardiens de la Galaxie. J'aimais bien aussi les Avengers, mais jusqu'à un certain moment. C'est-à-dire qu'après, au bout d'un moment, je trouve qu'ils se répètent. Je sais plus à quel nombre ils sont arrivés d'Avengers là, mais d'épisodes. Mais tu vois, par exemple, il y a eu comment il s'appelle? Attends, Iron Man. Tu vois, Iron Man, j'aime bien, etc. Mais au bout d'un moment, quand ils sont tous ensemble, ils font une grande bataille, là, je trouve que c'est un peu redondant, quoi. Ils font que de se battre et puis il n'y a pas trop d'histoire, quoi. Voilà, c'est que là... Ouais, mais je trouve qu'il n'y a pas de... Si tu veux, il n'y a pas de... C'est pas justifié, il n'y a pas vraiment de scénario ou quoi que ce soit. C'est juste de la bagarre pour de la bagarre et ça me déplaît un peu. D'accord. Bon, c'est l'opinion. Moi, j'aime bien quand il y a des... Non, mais j'aime bien quand il y a une histoire ou de l'humour ou des trucs un peu... T'as pas aimé toute l'histoire avec Thanos, etc., qui veut faire disparaître la moitié de l'univers, etc. Ça t'a pas plus attiré que ça? T'es plutôt concentré? Si, celui-là, j'ai bien aimé. Bah, c'est le dernier, en fait. C'est Endgame et puis Infinity War. C'est Ultron qui est le moins bien. Après, Ultron, c'est moins bon. Ouais. C'est celui-là. Ah, c'est peut-être celui-là, alors, tu vois. Ultron, tu peux comprendre qu'il peut décevoir. Franchement, Ouais, je l'ai pas trouvé terrible. Bah, c'est le premier où on voit WandaVision. WandaVision. Mais j'ai bien aimé aussi, comment il s'appelle, mais je sais pas si ça fait partie des Marvel, je pense. Le Wakanda, là, comment ça s'appelle? Ah, Forever. Black Panther. Ouais, Black Panther. Je trouvais ça sympa, tu vois. Oui, c'est sympa. Ouais. Non? Ouais, j'ai trouvé le deuxième très émouvant. Ouais, je me suis ennuyé au deuxième. C'est vrai? Ah, moi, ça m'a... Bah, ça t'a ému, toi, je crois. Le deuxième Wakanda Forever, Pauline, ça t'a ému, toi? Elle n'entend pas. Ah, t'es coupée! T'es mieux! J'arrive plus! Activez mon micro, pardon. J'ai pas vu le deuxième. T'as pas vu Wakanda Forever? Ah, moi, j'ai trouvé émouvant. J'ai pu le regarder. Je sais pas, j'ai encore un peu de retenue par rapport à, au fait qu'il soit plus là et tout. J'ai pas, c'est le seul que j'ai eu du mal à, enfin j'ai du mal à regarder. Bah, c'est en fait quand tu vois, tu vois bien qu'il y a une absence, clairement. Ouais, c'est ça qui en fait qui me. Mais c'est ouais. Quand t'es vraiment fan de l'acteur aussi, etc. C'est voilà. Et tu peux ressentir des fois. Alors c'est peut-être, j'en fais peut-être trop ou pas, mais des fois, il faudrait que vous regardiez pour ceux qui l'ont vu, mais j'avais cette impression où même les acteurs eux-mêmes, ils disaient il manque quelqu'un. Tu vois, je sais pas si. Olivier, toi, tu n'as pas ressenti ça quand tu as regardé, non? Non, ou tu as regardé? Si, moi, j'ai trouvé, à ce niveau-là, j'ai trouvé que c'était bien, parce qu'ils n'ont pas trop fait. Ils tiraient pas trop sur le. C'était un hommage, mais c'était quand même assez discret. C'est plutôt le film en lui-même qui m'a déçu, c'est-à-dire qu'il est très long. Et le Black Panther, il arrive au bout de 2 heures, quoi. Ouais. Et le film. Puis Iron Heart, elle sert à rien là-dedans, honnêtement. Qu'elle soit là ou pas là. La Black Panther qui arrive au bout de 2 heures et 20 minutes plus tard, le film est terminé, quoi. Donc. Et on l'avait, Shuri, à Avengers Campus quand le film est sorti. Ouais. Et vous avez pu la voir ou pas? T'as pu la voir toi, Olivier, quand il y avait été ou pas? Oui, j'ai vu. Oui. Ouais. Enfin, j'ai toi, pas Laurent, fait. J'ai pu se promener sur le parc. Et toi, non, Laurent, j'ai pas pu la voir. T'as pas vu la voir? Nous, on l'avait vu. Mais en tout cas, c'était super bien fait. Elle était super bien faite. Autre personnage, alors, ça c'est pour toi, Olivier. Qui est Hope Van Dyne? Hope Van Dyne. Attends, Hope. Je le fais. Ah, c'est la guêpe? Oui, c'est ça. Ouais. Oui, excellente actrice. J'ai fait la guêpe, c'était ridicule. Evangeline Lilly qui était dans Lost, d'ailleurs. Ouais. Oui. Ah oui. Puis elle a mieux les cheveux courts. Parce que dans Lost, elle avait les cheveux longs. Tu sais que je l'ai vu en vrai, j'avais été à la soirée du Grand Rex quand ils avaient fait Lost. D'accord, et donc? Bah, elle est magnifique. Bah oui, bah, oui. Mm. Et en fait, ces genres d'actrices est vieillie, tu te demandes si elle vieillit réellement quand tu la vois. Ouais, elle ne change pas. Hein. J'ai l'impression que par rapport à Lost, aujourd'hui, elle ne change pas. Bah, elle était très jeune dans Lost, hein, je crois. Là. Ah oui? Ouais, c'est possible. Bah, c'est tous très jeunes. Mais il y a un acteur dans Lost qu'on ne voit pas, c'est le brun, bah, qui était tout le temps avec elle. On ne le voit plus, non. Et on le voit plus. Mathieu quelque chose, je sais pas. Ouais. Mm. Il était bien, lui. Et il y avait l'autre que j'aimais bien, là, le vieux, qui est dans la saison en fauteuil roulant. Ah, qui était débrouillard, là, je sais plus. Locke. John Locke. Voilà, ah, j'aimais bien John Locke. Il était trop bien, John Locke. Voilà. On fera un podcast dessus. Ah ouais, je suis chaud. On en fera un. Ouais, on en fera un. Marie, tu l'as vu, toi, Lost? T'aimes bien? Ouais. Eh ben, tu verras le podcast avec nous. On le fera. En plus, il est sur Disney+, donc les gens pourront aller le voir. Ouais. Ok. Donc voilà. Donc, qui est Hope? Ah, on sait qui c'est, donc c'est la guêpe, voilà, après cette belle imitation. Qui est Hope Van Dyne, dis-nous? Alors, moi, ce qui est ressorti par ces nombres, c'est que, donc, elle est marquée par le maître nombre 11, donc ça au niveau de son prénom, Hope. Donc, ça veut dire que ça la rend inspirée, intuitive, magnétique. Elle est certainement douce et à l'écoute. Ça fait d'elle une personne ressource avec une énergie infinie, très impactante. Son nom de famille indique un refus des limites, une indépendance farouche et une importante créativité. Elle s'adapte à tout. Son expression totale au niveau des consonnes est marquée par le 22, donc deux fois un maître nombre. Hein. Elle va avoir besoin d'impacter fortement, peut-être en devenant un super leader. Voilà ce que je peux dire. Mmh. Ah, c'est pas forcément. Ah bah si, dans les comics, c'est une leader parce qu'elle fonde les Avengers avec. Avec Ant-Man, mais je sais pas, est-ce que pour toi c'est une idée, Olivier? Non, dans le film ça se ressent pas trop. Dans les comics ça l'est, hein, parce qu'elles font les Avengers avec Ant-Man. Bah, c'est elle qui mène les filles à la fin dans le dernier Avenger quand même, je crois, non? Non, il y a juste un gros plan sur elle. Mais c'est pas elle qui est en avant justement quand même. J'ai pas ce souvenir là. J'ai plus l'impression que c'est, on voit plus elle, tu vois, avec les filles. Enfin bon, je. Je sais pas, Mika, tu trouves qu'elle est une âme de leader, toi, la guêpe? Non, pas dans les films, en tout cas. Dans les comics, par contre, clairement, c'est un peu comme... C'est différent, parce que c'est un vrai duo avec Ant-Man, qu'on n'a pas trop, je trouve, dans les films, où c'est pas assez posé, je trouve. Mais dans les films, elle est bien en tant que mentor, plus que leader, quoi. Ouais. En tout cas, j'ai cette impression-là que la description que nous a donnée Marie, ça correspond un peu comme Agatha Harkness, ça correspond plus à la guêpe du comics que du film, de ce que tu as donné. Ouais. Oui, bah après, c'est pas. Moi, ça correspond quand même. Du comics à l'origine, donc, pour le coup, pour moi, c'est quand même réussi. C'est... Oui. Donc du coup, c'est réussi. J'aimerais que je valide. Voilà. Du coup, il y a un personnage qui a une série qui va sortir. Alors, je sais pas quand. Je vais juste regarder. Parce que j'ai pas vu. On la voit dans Black Panther Wakanda. C'est une série spin-off sur Okoye. Elle est en préparation, excusez-moi. Okoye, qui va avoir normalement... Alors, ça va prendre avec des pincettes, mais normalement, Okoye aura sa propre série. Voilà, vous le saviez ou pas? Peut-être pas. Non. Non. Bah, Mika, non. Tu savais, toi. Oui. Normalement, si je me trompe pas. Voilà. Mais comment elle aura sa propre série et avec le costume qu'elle a dans le Black Panther Wakanda Forever, du coup. Voilà. Normalement. Voilà. Pour ceux qui l'ont vu. Voilà. Donc, Okoye. Alors, j'ai voulu qu'on fasse le thème parce que Marie fasse le thème parce qu'en fait, c'est un personnage en fait qui est dans le MCU sous-jacent dans quasi tout le temps. Quand vous regardez, elle est dans les Avengers, Black Panther, elle apparaît aussi, je crois que c'est dans Iron Man aussi qu'elle apparaît. Falcon aussi. Falcon, voilà, donc dans Falcon et Soldier, voilà, elle apparaît quand même. Et c'est un personnage qui plaît quand même à voir. Et du coup, elle va avoir normalement, alors, ça prend avec des pincettes parce que. Je me suis renseigné, il y en a qui disent que c'est pas sûr de ce qui est sûr, donc voilà, sous réserve que. Donc il y a une série qui est prévue sur Okoye, et de ce que j'ai compris, c'est Okoye, mais pas Okoye, c'est pas une rétrospective sur sa vie. De ce que j'ai compris, la rumeur dirait que ça serait à la suite de la Okoye qu'on connaît à la suite de Wakanda Forever, sachant que dans Wakanda Forever, pour ceux qui l'ont pas vu, on a Shuri qui est qui est fanat de technologie, etc. On va dire ce qu'il est. Okoye qui n'aime pas trop ça, et du coup, Okoye, à un moment donné, dans le film, je vous apprends rien, va mettre un costume voilà, spécial, et du coup, voilà. Apparemment, ce serait dans cette continuité-là. Ce serait pas sur une origin story. Voilà. Moi, ce que j'avais compris, c'était une équipe des. Alors, je sais plus le nom qu'elle porte, les gardiens, là, dont elle fait partie, là. Les combattantes là. Si je venais à Avengers Campus, elles sont là. Oh, mais elles portent un nom particulier, tu sais, les. J'ai plus le nom qu'elles ont en tête. Là. Ah, les Dora Milaje, c'est ça? C'est ça. Et en fait, qu'elles soient le leader d'une équipe particulière où ils ont tous un costume comme ça. Que ce soit une aventure de eux, ce que j'avais compris qu'ils allaient faire en fait. D'accord, ouais, donc du coup, on n'est pas dans une origin story, mais vraiment dans une équipe à part un peu. Un peu, c'est ça. Ouais, okay. Bon, il y avait bien cette histoire de costume qu'elles ont dans Wakanda Forever. Qui classe d'ailleurs, bon, je trouve ça bien. Ça me fait penser un peu à Predator. C'est pas faux. Pour ceux qui regardent Predator. Alors Marie, que peux-tu nous dire sur le thème d'Okoye? Alors, Okoye, elle a une énergie infinie avec une sensibilité profonde quant à la justice, l'équité, la loi. Si une loi ne lui plaît pas, elle peut même en créer à sa façon qui lui convienne mieux. Elle refuse les limites et cela pourrait se traduire soit dans l'humanitaire, dans le luxe, dans l'écologie ou encore dans l'espace. Ça, c'est le 9, hein, le refus des limites. Dans tous les cas, elle a besoin d'action et d'impacter pour être heureuse, sans quoi en déséquilibre, elle pourrait être caractérielle et colérique. D'accord. Bon, on est dedans, en fait. On est bon, plein dedans, en fait. Franchement, là, on est en plein dedans. Je ne peux pas dire autrement. C'est marrant parce qu'en fait, quand tu as dit, je ne savais pas qui c'était Okoye, donc comme tu le présentes, tout, je regarde en même temps sur mon téléphone, c'est qui c'est. Et je me dis, mais oui, c'est de Black Panther. Ouais, j'ai oublié qu'elle s'appelait comme ça. Voilà. Et quand j'ai vu le truc, je me suis dit, tiens, c'est pas mal. C'est pas mal. Bah, écoute, tu es en plein dedans, Marie. Merci pour cette description d'Okoye. Ouais. Écoutez, moi j'espère que si c'est vrai que la série sortira, parce que Okoye c'est un personnage que j'aime bien, et en plus l'actrice je trouve qu'elle joue bien Okoye. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, Laurent, t'aimes bien l'actrice qui joue Okoye? Ouais, carrément. Tu t'aimerais bien une série à toi sur Okoye? Ah oui. Non, j'aime beaucoup ces personnages-là. Ouais, ils sont assez ils sont secondaires, et des fois c'est bien qu'ils soient mis sur le devant de la scène, des fois. Voilà. C'est l'actrice qui faisait Mission dans Walking Dead, c'est ça? Dans Walking Dead, ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon. Bah, du coup, continue avec le sabre, quoi. Voilà. Est-ce que pour Okoye, parce que vu que c'est une. Elle, c'est quand même la chef des Dora Milaje, Marie, est-ce qu'elle a un maître nombre? 11, 22 ou 33? Parce que c'est elle qui gère vraiment les Dora Milaje. Elle n'a pas de maître nombre? Non, là, elle n'en a pas, mais après, comment dire, elle a peut-être un nom de famille ou autre chose qui va lui donner un métronome. Par contre, tu vois, son expression, elle fait 26, donc 26-8, c'est-à-dire le 17 des voyelles plus le 9 des consonnes. Et tu vois, le 26, c'est un nombre karmique. Et en gros, si tu veux, on dit que, enfin, faut faire attention à la colère, en gros. Ça peut être des gens qui peuvent être beaucoup dans l'écoute, dans le service, donc le 2, le 6, donc l'attention aux autres, etc. Mais en déséquilibre, ça peut être des grands colériques, quoi. D'accord. Et ça se voit ouais, dans la série, on voit bien qu'elle est... Ouais, qu'elle est un peu... Enfin... Elle est raide quand même, quoi. Ouais. Elle n'est pas facile. Non, mais elle est droite. Ouais. Ouais. Et le 8, dominatrice. Mais le 8 est droit, j'avais dit. Le 8, c'est les nombres qui tranchent, tu sais, c'est le nombre des bouchers, mais aussi des avocats. Il y a ce côté justice, en fait, avec le 8. Il faut qu'il n'y a pas de gris, en fait, c'est soit blanc, soit noir. Elle pourrait devenir avocate. Voilà, du coup, c'est elle ça. Pourrait sortir, elle pourrait... Ben voilà, elle va être dans She-Hulk. Voilà, c'est parfait. Voilà. Olivier, le prochain nom, tu connais par cœur ce personnage. C'est voilà. Un de tes personnages préférés. C'est Alain Racine. Ah, c'est le super-héros français, là? C'est ça, là? Celui qui a été créé à Moulins? Non, pas qui est né à Moulins. Qui est né à Moulins. Voilà, c'est le héros préféré de Tony, de Messa. Ouais. Voilà, il rêve de rencontrer ses super-héros à Avengers Campus. Alain Racine. Pauline, Alain Racine. Attends, tu connais pas Alain Racine? Déjà les noms. Mika, tu connais Alain Racine? Mais le faucon pèlerin. Bah, le faucon pèlerin, voyons. Si tu connais pas, en vrai, c'est normal. C'est le faucon pèlerin, Pauline. Le faucon pèlerin. Voilà. Ok. Voilà. Alors, ses pouvoirs, ils sont pas inventés. C'est comme le faucon. Mais il est pèlerin. Voilà. Puis il habite à Moulins. Il habite à Moulins. Il est né à Moulins. Ah, mais peut-être qu'il habite encore à Moulins. Je sais pas. Ah, bah ça, faudrait voir. On peut peut-être faire une série. Avengers Campus, une série. T'imagines-toi. Attends, Moulins, c'est. Attends, c'est dans quelle commune? C'est commune de France? C'est en Auvergne. Voilà, donc le faucon pèlerin est auvergnat. Le faucon pèlerin est auvergnat, les amis. Voilà. Donc. Juste pour information, je suis sur la page Google et c'est marqué que Moulins est parfois dénommé Moulins sur Allier par la SNCF. Voilà. Ah, oh, petite information inutile, mais... Je serai moins bête. La Poste aussi l'appelle comme ça. Voilà, donc, voilà. Donc, d'ailleurs, comment appelle-t-on les habitants de Moulins? Les Moulinets. Les Moulinets, j'allais te dire. Bon, pendant que je regarde comment on appelle les habitants de Moulins, merci. Marie, que peux-tu nous dire sur le faucon pèlerin, du coup, sur notre super-héros Marvel français? C'est pas une bonne, enfin, il est pas si mal, faucon pèlerin. Fais un truc détaillé. Est-ce que c'est un maître nombre? Dis-moi que c'est 33, genre Captain America. Fais-moi rêver, fais un truc, voilà. Oui, il a un maître nombre. Alain, en fait, il a le maître nombre 11. Ouais. Merci, Moulins. Merci, les habitants de Moulins, pour ce cadeau du faucon pèlerin. Le 11 dans les voyelles, donc ça fait de lui quelqu'un d'inspiré, de magnétique, d'inarrêtable. Sa devise pourrait être un peu « qui m'aime me suive ». Il doit cependant apprendre à maîtriser son énergie, sans quoi il pourrait subir des revers de médaille. Il a besoin de l'autre, peut-être d'une femme proche de lui dans son entourage. Il pourrait... alors, son nom de famille, pardon, vient activer à nouveau encore plus son indépendance, mais souligne néanmoins une volonté de prendre soin des autres et de rendre ce monde plus harmonieux. Il pourrait être secret ou maîtriser parfaitement une technique, aimer travailler le métal. Il doit apprendre à ne pas être trop exigeant, critique ou maniaque, ne pas toujours faire passer les autres avant lui, ni devenir tyran. D'accord, donc on n'est pas sur forcément un gentil-gentil, du coup, si j'ai bien compris. En fait, il est capable d'être très gentil, mais s'il est déséquilibré, en fait, c'est le propre et des maîtres nombres et des nombres qui impactent fort. Donc là, un 11, un maître nombre, ça impacte beaucoup. Il a du 8 et du 1, donc du 8 en consonne et du 1 au total, et du 5 aussi. Et donc ça, c'est des nombres qu'on va dire qui sont denses, qui sont lourds. Donc s'ils sont positifs, ça va faire des gens qui agissent encore plus de façon, comment dire, le côté positif est exponentiel. Si son négatif, par exemple, un 8 qui était comment dire, très yang, c'était Bernard Tapie. Et là, tu vois le côté excessif. Oui. Où il y a, ben voilà, ça, la loi, il fait la loi comme lui, il l'entend, etc. etc. Ça se trouve, c'est Bernard Tapie, le faux qu'on pèlera. Ouais, début. À Moulin, Bernard. Bernard. Du okay. coup, il a le potentiel d'être gentil, mais en déséquilibré, il pourrait être. C'est toujours un peu comme, vous savez, le yin et le yang, tout ça. Bah, si vous avez autant de potentiel de gentillesse, il y a, dites-vous qu'il y a la même chose en méchanceté, le tout, c'est trouver la voie du milieu, quoi. Voilà. D'accord. La seule chose que je sais sur lui, clairement, c'est parce que j'ai à la maison tous les Civil War. Et en fait, la seule chose, c'est les comics, Inside Comics. La seule chose que je sais, c'est que le Faucon Pèlerin dans les comics, c'est que le gouvernement l'embauche pour qu'il protège les frontières françaises. Ouais. Mm-hmm. Voilà, le truc, voilà, c'est pas un héros. Mais on est d'accord, il fait pas vendre. Alors, il fait pas vendre. Par contre, du coup, j'en ai profité pour aller jeter un coup d'œil sur sa page Wikipédia. D'accord. Il fait une page. Ah, histoire de voir. Il fait une page Wikipédia, oui. Oui, oui, oui. Alors. De ce que j'ai pu lire, donc c'est un personnage qui est assez doué en arts martiaux, en combat aérien, qui est un peu comme le Faucon Pèlerin. Et qui, en fait, un autre truc que tu as dit qui correspond bien, c'est qu'en fait, il a fait partie de Silver Sable. Donc, ça a été un mercenaire aussi. Il a été engagé par Silver Sable, il bossait avec agent régulier. D'accord. Il faut qu'il fasse une adaptation. Ce serait génial. T'imagines, toi ? Avec Gérard Depardieu. Gérard Depardieu. D'ailleurs, les amis, je viens de regarder, les habitants de Moulins, c'est les Moulinois. Ah, c'est pas les Moulinais, mais presque. Ah, pas les Moulinais. C'est... Les Moulinois ou les Moulinaises. Les Moulinoises, pardon. Les Moulinoises. Voilà. Donc, les habitants de Moulins sont appelés les Moulinois. Et les femmes, les Moulinoises. Et là, c'est bizarrement, sur le site, ils disent qu'avant, initialement, ils étaient appelés les Gentillets de Périgueux. Ah bon ? Je sais pas c'est quoi ce site. Voilà, donc le site s'appelle commentappelle-t-on.fr et le gars il commence à dire en premier lieu les habitants de Moulins s'appelaient les Gentillets de Périgueux, mais maintenant ils sont appelés les Moulinois. Ouais, c'était trop long à dire. Ouais, c'était ça trop long. Bon, je sais pas pourquoi ils disent ça, Moulinois, Moulinoise. Voilà, si. Et du coup, tiens, quel acteur tu verrais jouer le Faucon Pèlerin, Laurent ? Sachant que sur l'image que j'ai, il est brun. Le Chabat. Toi, Marie, alors est-ce qu'il y a un acteur que tu aimerais bien voir jouer ce super-héros que tu décris bien comme ça ? Il dit, bah là, est-ce qu'il n'y a pas un acteur que tu aimes bien qui pourrait jouer le héros que tu nous décris ? Bah, tu sais, j'allais dire Pierre Niney, mais après, tu as Pio Marmaille qui est bon aussi. Pierre Niney. Ouais, Pierre Niney, c'est le premier qui m'est venu. Bah, tu vois, il mérite mieux Pierre Niney. T'aimes bien Pierre Niney, Tavouine ? Ouais, c'est un bon acteur, je trouve. Ouais. Mm. Moi, je l'ai vu dans... Vincent Cassel. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, mais non, mais Vincent Cassel, il est un peu trop vieux. Il a le bon physique. Benoît Magimel. Ah non. Non, quoi non. Non, bah ça, il n'y a pas... Non. Claude Van Damme pour les arts martiaux. Il est belge. Il est belge. C'est pas grave, ça. Tony, il est importé, c'est tout. Non, pas Jean-Claude. Bon. Ah, c'est quoi ça, Philippe Lachaud, ça serait pas mal. Ah oui. Ouais. En fait, j'ai du mal à voir Philippe Lachaud en dehors dans un film, en dehors d'un film comique, tu vois. En même temps, ça serait comique à tout. Ouais. Écoutez, Disney Plus, si vous écoutez, on veut un film. On se propose de faire le scénar. Ouais. On fait le scénar. Voilà. Sans faire de grève, promis. même gratuit. Si on... Même gratuit, voilà. On vous donne pas la qualité, peut-être, mais voilà. Mais la passion de vous créer ce super-héros. Voilà. Il faudrait se renseigner. Vraiment, il n'y a pas de BD, je crois. Il doit apparaître, je pense, Mika, vu que tu regardes la page Wikipédia, je pense qu'il doit apparaître dans des BD, mais il doit pas avoir. J'ai pas vu de truc en particulier sur lui, en fait. Ouais. Mais si, la seule fois que je l'ai vu, c'est sur un de mes comics où il veut qu'on protège les frontières de la France. Je crois qu'il est même avec l'armée française en plus. Ouais. Il apparaît dans beaucoup de choses, mais Il a fait équipe avec plein de super-héros. Ouais, ouais, c'est genre. Ouais, c'est... On verra peut-être dans les prochains Avengers. Hein. Bah attends, c'est possible. Ouais. La France, imagine, il y a avec son drapeau français. Ouais. Avec une baguette de pain. Défendre Paris. Défendre Paris. En tout cas, merci Alain. Tu nous as fait rire. En attendant, il est tellement pas connu que quand tu tapes Alain Racine sur Internet, si tu précises pas Marvel, tu tombes sur une page LinkedIn de Alain Racine, le vrai Alain Racine. Comme... Vous allez dire la même chose. Avant, j'ai tapé ça, je tombais sur l'entrepreneur. Je me suis dit... Le mec, il est rien. Le mec, il habite Alain Racine de plus tôt, si tu nous entends. C'est exactement c'est ça. Ouais. Alain Racine, le comptable. Attends, je viens de regarder, il y a une page... Comptable le jour, super-héros la nuit. Peut-être. Il y a une page où il parle de Philippe Lachaud en Alain Racine. Non. Mais attends. Si. In Marvel Cinematic Universe. Non, ah, c'est un fake. Non, ouais, regarde. Philippe Lachaud. Attends, je ne vois pas. Non. C'est pas une attends. Blague. Wow. C'est hallucinant. Ah alors, oui, Alain Racine, In Marvel. Non, en 2021. Non, il a été suggéré pour jouer. Ouais, mais c'est un site de fan ou... Où... 43 ans. Après, ouais. On va faire un podcast. On va appeler Philippe. Allô, Philippe. Je lui envoie un message. J'ai un podcast. J'aimerais savoir si tu vas jouer Le Faucon Pèlerin. Mon meilleur film. Ouais. Par contre, il joue dans les bons films. Il y a un film que j'ai bien aimé qu'il a fait. C'était Nicky Larson. Surtout la première scène. C'est rigolo, ça. Ah, et la première scène. mais surtout que ça représente bien, moi, le manga de ma jeunesse. Enfin, vous aussi, je suppose. Mais au départ, il devait faire Cat's Eye aussi, hein, c'était prévu. Oui, Cat's Eye, ouais. Mais il n'en parle plus pour le moment. Oui. Cat's Eye, ils étaient prévus, ouais, mais c'est TF1 qui va le faire. C'était alors qui va adapter Cat's Eye, du coup. Cat's Eye. C'est qui? TF1. Bon, parce que ça va dire. On garantit pas que ce soit bien. Je pense que Philippe Lachaud c'est vraiment un fan, donc du coup tu voyais bien son. Enfin, je trouve que quand il a fait le film, c'est vraiment le film de fan, quoi. Donc. D'ailleurs, son film super-héros qu'il avait fait là était excellent. Hein. Super-héros malgré lui, c'est ça, non? Je l'ai pas vu. Mais il est sur 10. Il est pas sur. C'est plus, il est sur Amazon Prime, je crois, non? Je sais plus, mais il est vraiment, vraiment excellent. Non, je vais sur MyCanal. Il y est. Laurent, dernier personnage. Avant de voir quel thème mystère a fait Marie, tu adores la voir. Alors, c'est une femme que tu aimes voir à Avengers Campus. Je ne parle pas de ton épouse. Ah. Parce que tu l'aimes la voir tous les jours. Voilà. Ah. Alors, quelle. C'est une femme que tu aimes voir à Avengers Campus et d'ailleurs qu'on voit quasi tout le temps. Natacha. Non, c'est pas Natacha. Ah, je suis déçu. Elle est blonde aussi. Je voulais voir Natacha. Natacha. Bah, on pourra faire Natacha dans la partie 3. D'accord. On lui demandera. Alors, elle est blonde, oui. Ah oui, c'est. C'est facile. C'est facile. Flight Force. Ah yeah, oui, c'est pas. Elle s'appelle. Non, mais je veux dire. On la voit dans Flight Force, non? Oui. Ouais. Captain Marvel. Ah, ça s'appelle Captain Marvel, voilà, c'est ça. Captain Marvel qui est joué par Carol Danvers. Merci pour ce. Brie Larson. Voilà, Brie Larson. Je t'aime, Brie, je t'aime. Tu vois The Marvel, même si je vais te voir qu'une heure et demie, parce qu'apparemment le film va durer qu'une heure et demie, je t'aime quand même. Voilà. On n'a jamais assez de Brie Larson dans la vie. Voilà. Ouais. Alors, que peux-tu nous dire sur Carol Danvers, Marie? Eh bien, Carol aime le beau et doit apprendre à se détacher de l'image des autres. C'est une personne joyeuse et gaie qui a certainement beaucoup d'amis ou qui est appréciée en tout cas. Elle est capable de mettre les petits plats dans les grands quand elle reçoit et se soucie du bien-être d'autrui, à moins qu'elle ne soit si obsédée par son image qu'elle est totalement tournée vers le luxe. Son nom de famille fait 11-2, à nouveau un maître nombre. Elle doit donc être 11, maître nombre. Elle doit donc être ici pour guider, inspirée par son propre exemple. Elle peut avoir des dons, des capacités psychiques ou du magnétisme. Elle pourrait avoir certains côtés fragiles et elle devra apprendre à respecter ses limites car c'est une hypersensible. Ah, d'accord. Ah, hypersensible. Mika, t'en penses quoi? Côté hypersensible, je sais pas. Pour le reste, ça, ouais, ça correspond pas mal. Maître nombre, oui. Ah. Ça, le 11, ça, c'est pas étonnant. C'est une leader. Ça, il n'y a pas de... Bah, elle est leader dans tous les cas. Se détacher de l'image, oui, ça reste quand même l'origine. Elle est militaire, en plus d'être... d'être une super-héroïne, colonel Carol Danvers. Mais... ou après, hypersensible, je sais pas. Je sais pas là-dessus. Ouais, c'est vrai que j'ai un... Alors, Olivier, toi, tu t'en penses quoi? Eh, hey, les gars, il ouais, n'y a oui, pas de E à Carol. Bah non, il n'y a pas de E. Bah ouais, moi, je l'ai mis avec... Mais où tu me l'as mis, bah, avec c'est... Moi, non, mis... non, je t'ai pas mis avec un E, justement. Je t'ai mis sans E. T'as mis sans E? Eh ben moi, j'ai fait une bêtise. Et du coup, ça change. La numérologie dépend de l'ensemble des lettres, bah oui, de ton prénom. Ça peut tout changer, ça. C'est ça. Donc, c'était une lettre. C'est... Ah, bah ouais, ouais, parce que. Bah attends, je te le refais. En direct. Oui, je veux bien, parce que ça a mal fait ton boulot, en fait. Bah ouais, exactement. Non, mais attends, exactement. C'est quoi, cela, mais... cela dit, tu vois, je suis en train de. Je suis en train de le refaire, là, de refaire le calcul. Et en fait, bon, si alors, refais le calcul. Le truc, il me rajoute un E automatiquement parce qu'en fait, c'est une faute, un Carol sans E, quoi. Et du coup, c'est pour ça que je pense, j'ai pas vu qu'il m'a rajouté de E. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme Pauline sans E, ça fait Paulin, quoi. C'est pas possible. Bah, c'est ça, mais je pense que du coup, le truc de calcul, il a pas aimé. Alors, je te le refais. Carol. Vas-y. Sans le. Carol sans E. Du coup, Carol. De poule. Carole, du coup, en idéal, elle va avoir du 7, donc elle va être secrète, très technique, très concentrée dans là, ce qu'elle fait. Là, on est dedans. Ok, bon, ben voilà. J'allais dire. C'est marrant. Hein. Et en structure, c'est-à-dire ce qu'elle a, ce qu'elle a sa base, en fait, c'est le 15-6, donc ça veut dire qu'elle va être là pour prendre soin des autres. Vous vous souvenez, le 6, le côté maman, qui met les petits plats dans les grands, mais aussi qui fait attention à ce que l'harmonie règne et que tout le monde soit respecté. Et du coup, Carol, eh ben, elle est capable de péter un vaisseau extraterrestre juste en le traversant. Hein. Eh ben, écoute, expression 22-4, maître nombre, Carol. 22 ? Bah ouais. Les gars, le plus grand maître nombre, c'est 33. C'est-à-dire Captain America est 33. Voilà. Ouais, mais attends, parce que t'as pas 22, eu. 22, c'est le deuxième et 11. 11, c'est Okai. Ouais, mais oui, t'as pas eu toute l'expression, mais regarde. Elle fait 22-4, donc Carole. Donc tu vois le côté construire en grand, qui est, comment dire, très carré, très organisé. Attention à pas tomber dans les excès, parce que sinon elle pourrait être aussi très tyrannique. Et Danvers, du coup, là, j'avais pas fait de faute, donc ça reste pareil. 6. En voyelle, donc le côté maman qui prend soin des autres. 23-5 en consonne, donc le côté qui s'adapte à tout, qui touche à tout, qui, comment dire, est capable de tout faire. Et du coup, le total, ça fait 29. Donc 29, ça fait 11-2. Donc, quand tu diminues tout ça, bah, tu te retrouves finalement avec bah, du 33, quoi. Voilà. Du coup, ça fait vraiment maître nombre, la daronne, quoi, la patronne. Voilà, voilà. Bah, c'est la patronne de l'Avenger Campus, sache-le. C'est vrai qu'elle est tout le temps là-bas, quand tu regardes. Natacha aussi. Oui, Natacha aussi, mais bon, c'est... Natacha, c'est 33 aussi. Natacha, c'est Natacha... 33 aussi non, je sais pas. Bah attends, ah, mais ça se trouve. Non, mais après, si tu si as 5 minutes, c'est Natacha Romanoff. Alors, attends, Natacha, alors, appelle-moi Natacha. Natacha avec un S, je crois. N-A, attends. S-A S-H-A Natacha, N-A-T-A-S-H-A. Ok, ça N-A-T-A-S-H-A, c'est bon. N-A-T-A-S-H-A, Romanoff, R-O-M-A-N-O-F-F. Natacha Romanoff. Natacha Romanoff. En attendant alors, que tu fasses Natacha Romanoff, ouais, sort The Marvels bientôt, les amis. Ouais. Novembre. Voilà. Il a été prévu un film assez court. À mon avis, ils ont coupé toutes les mauvaises scènes, donc j'en sais rien. C'est vrai, il y en a un qui va, c'est pas trop chaud. J'allais dire, je suis sûr, il y en a un, il est pas trop chaud. Je sens pas du tout. Donc quand tu vois la bande annonce, ça fait ouais, très peu. Alors Pauline, toi, t'es hypée ou pas? J'attends de voir. Je laisse le doute. Non, je laisse le doute. Je laisse le bénéfice du doute. Je veux pas me projeter. Oui, trop. Oui. Après, on peut avoir une bonne surprise. Oui. On sait jamais. On sait jamais. Ouais. Alors du coup, ouais. C'est un peu bizarre un film Marvel 10h30. Il n'y a rien qui fait envie dans la bande-annonce, franchement, rien. Bah justement, c'est peut-être Saint-Lucien. Alors Olivier, toi, il ne fait pas envie, tu iras quand même le voir. Oui, je pense, oui. Faut, ouais, il faudra qu'on en parle dans le podcast quand même. Oui, oui, c'est sûr. Voilà. Voilà. Laurent, ce film, tu as hâte? Bah, c'est pareil, j'ai vu la bande-annonce il y a déjà un moment, ça m'a pas... Alors, il faut voir... Est-ce que tu as vu la série Miss Marvel? T'as vu la série oui. Miss Marvel? Ouais. C'est ouais, la suite directe. Ouais, ça m'a... Par contre, la série m'a pas... Moi, j'ai pas mal... J'ai aimé, franchement. Time. C'est sympa. Bon. C'est la suite directe. Ouais, mais faut voir. Mais la bande-annonce du film, bon, honnêtement... C'est... Ah ouais, à ce point, qu'est-ce qui vous a déplu dans la bande-annonce? Bah, y a rien d'excitant. Je sais pas, y a rien. Il n'y a rien en fin de compte, c'est ça. Il n'y a que des blagues et que des vannes pourries, quoi. Non, enfin, je... on va revoir Fury. Oui, non, mais j'adore Fury, heureusement qu'il est là, mais. Ah, Olivier, il est dur. Là, c'est. Non, mais. Là, il est intransigeant. Ah, Benji, qu'est-ce qui te hype dans la bande-annonce, franchement? Ah non, mais moi, je suis hypé par rien du tout, moi. Franchement, ça. En fait, moi, j'ai une politique, vous la connaissez, c'est que j'attends rien du tout d'un film. Comme ça, t'es pas jamais déçu. Voilà. Jamais déçu. Jamais déçu. Voilà. Donc voilà, j'attends rien du tout. Je crois qu'à la limite les Marvel, j'attends quand même plus. Mais le pire du pire où j'attends rien, c'est les films Star Wars. J'attends, mais vraiment rien. J'y vais, je pose mon cul, et la question que je me pose, c'est est-ce que j'ai dépensé 10 balles pour rien? Tu vois, c'est juste ça. Voilà. Donc et du coup, bah en fait, à chaque fois, j'ai dépensé Star Wars 10 balles pour rien. Voilà. Et du coup, là, j'ai plus apprécié mes popcorn que le film, pour dire. Donc voilà. Donc, voilà. Mika, toi, tu 10 balles aussi. Hein? C'est qu'ils ont dû te coûter 10 balles aussi, vous pouvez des popcorn au ciné. Moi, je vais voir. Non, mais le truc, c'est que c'est peut-être con ce que je vais dire, mais je pense que le film va pas être terrible. Pourquoi? Parce que je pense que ça va être l'introduction d'un autre film. Si tu veux, ça va pas être un film sur The Marvel, ce machin. Je pense que ça va être l'introduction d'un autre film. Je sais pas lequel. Tu fais un téléfilm de Noël sur Disney Plus, du coup. Bah, moi, celui-là. Oui, il y en avait un, il était bien, le téléfilm de Guardians of the Galaxy. Ah, mais il est génial ici. Il était marrant, ouais. Ouais, avec le groupe qui chante, là. C'était trop bien au début. En plus, Drax et Mantis, c'est énorme. Ouais, oui. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont toujours pas été à Disneyland depuis un moment, sachez que Mantis est arrivé. Elle y est plus. Hein. Ah bon? C'est que pour l'été? Normalement, c'était que pour l'été, à moins qu'ils aient ça prolongé. Ça fait un mois et demi que je suis pas venu. Donc, quand j'y suis allé au mois d'août, elle y était. Donc, vous y avez été avec Laurent, là, elle y est ou pas? La dernière fois, on ne l'a pas vu. J'ai pas vu la dernière fois. Il faut y aller le soir, déjà. Il y a un mois, il y était. Enfin, plus d'un mois. Et est-ce que vous avez mangé les shawarma? Non, pas encore. Non, pas encore. Ah, genre, on t'attend Benji pour les manger, même pas. Ok. Voilà. Bah pour ta vidéo, on fera ça. On va faire ça si tu veux. Chalet, shawarma, chalet, shawarma. On va faire ça. Vin blanc, shawarma. C'est toi qui commandes le vin. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ouais. Voilà. Apparemment, t'as de la chance. En tout cas, voilà, ce film, en fait, il fait pas vraiment rêver grand monde. Toi, Marie, tu vas aller le voir ou pas? Ou c'est pas forcément que ça t'intéresse? Non, je suis pas sûre. T'es plutôt série, toi, ou pas? Tu regardes un petit peu les séries sur Disney Plus? J'ai pas Disney Plus, j'ai Netflix. D'accord. Okay. Et j'ai accès à certaines séries. Par contre, j'ai vachement aimé aussi l'épisode de Noël des Gardiens de la Galaxie. Ça m'a fait beaucoup rire. Ouais. Avec Kevin Bacon. On cherche Kevin Bacon. Kevin Bacon, l'homme invisible. Pauvre Kevin Bacon. C'est vrai. Ouais, ça m'a fait beaucoup rire. Ouais. Ouais. Mais sinon, qu'est-ce que je regarde comme série? Non, le problème, c'est que Footloose, ça le suivra tout le long, lui. Je pense qu'il... C'est ça. Kate Bacon, il fait « J'ai joué dans d'autres films, sinon... » Ah bon, t'as pas joué que dans Footloose? Voilà. Mais du coup, Natasha Romanoff, dis-nous tout. Alors, Natasha. Attends, Olivier Toutoui, là. Il a éteint son mic et tout. Il bave. Alors, au niveau du prénom Natasha, on est dans un idéal, c'est-à-dire des voyelles qui font trois. Donc là, il y a un côté enfant. Joyeux, qui est gay, qui peut être même, je dirais même léger, quoi, quelqu'un qui est, esprit léger. Mais du coup, la structure vient nous dire complètement l'inverse, ou plutôt que de léger, je dirais même créatif aussi, comme un enfant, tu vois. Et du coup, au niveau de la structure, c'est-à-dire du caractère, ça va nous dire tout l'inverse, c'est du 7. Donc là, on est dans le sérieux, dans le secret, dans la réflexion, dans le côté très, comment dire, méticuleux. Et du coup, le 7 plus le 3, on va retrouver une expression qui est 1. Donc, le leader, mais qui peut être là, du coup, vu le profil, soit dans la communication, soit vraiment très indépendant, en fait, et très secret. Voilà. Pour le prénom, au niveau du nom de famille Romanov, en idéal, ça va faire du 4, donc on peut compter dessus, c'est quelqu'un de fiable, quelqu'un qui fait ce qu'il dit, qui dit ce qu'il fait, enfin voilà. Et au niveau du caractère, c'est-à-dire des consonnes, on retrouve un 33, donc là on retrouve quand même des capacités de communication. Un 33 Un 30/3. Ah, slash 3, ok. Ouais, donc 30, pas, 3, plat de, pas ouais, de 33. Il n'y a que Captain qui est 33, je crois. Elle n'a pas de maître nombre. Et donc, non, pas elle. Et du Désolé, coup, si Olivier. Tu veux, on retrouve des capacités de communication quand même, ou en tout cas de la créativité. Et on retombe à nouveau sur une expression qui fait 7. Et du coup, au total, elle est sur une expression 8. Donc, elle est quand même là pour impacter. Elle a de la technicité, elle a de la créativité et elle est quand même profil bien indépendante. Quoi. Voilà ce que D'accord. je veux dire. Secrète et indépendante, quoi, si je résume. Secrète, c'est un peu qui tout double. J'ai été voir sur internet qui c'était, donc moi je la trouve plutôt secrète dans les films. Mais en fait, selon ses nombres, elle pourrait vibrer soit c'est 3, et dans ces cas-là, elle n'est pas secrète, elle est plutôt sociable, etc. Soit elle s'appuie plutôt sur ses 7, parce qu'elle a pas mal de 7 aussi. Et dans ces cas-là, effectivement, elle va être plutôt secrète. Mais à un moment ou à un autre, il va falloir qu'elle exprime sa créativité d'une façon ou d'une autre. Ça me fait penser... on avait fait James Barr, le soldat de l'hiver, à mon souvenir, Mika, ouais. Marie. On avait fait ça. Ouais. Et ça me fait penser que c'est à peu près les deux mêmes profils, non ? C'est possible. Ils sont un peu issus d'une expérience, les deux. Mm. Ouais, mais dans les comics. De super soldats, un peu, ouais. Ouais, mais dans les comics, ils sont mariés tous les deux, à mon souvenir. Ah ouais ? Mm. Ouais. Ah ouais, ok. Ouais. C'est pour ça que je vous en parle. Dans les comics, elle est mariée à James Barr. Voilà. Donc voilà. Mais, les petits vénards. Ah, fais-toi pousser un bras robotique. Voilà. Voilà. Ah, du coup, on a fait 11 super-héros, les amis. Il y en a encore deux à faire, des super-héros qui sont là. Alors, les meilleurs, les plus forts. Les meilleurs. Pauline, on va faire un jeu. Tiens, ton pote. T'as beaucoup écouté Laurent, Olivier, tu commences un peu à les connaître depuis. Mm-hmm. Marie. J'ai demandé autorisation au gars, c'est que j'ai donné le nom et le prénom de Laurent, voilà, Laurent X, voilà, et Olivier Y, tu vois, donc j'ai donné leur nom et leur prénom, et avec leur autorisation, et j'ai demandé non à Marie, est-ce que tu peux faire leur thème ? Voilà. Et Marie, elle fait, ouais, il n'y a pas de problème. Donc du coup, je ne sais pas c'est quoi les thèmes. J'ai dit à Marie, garde-moi la surprise, je ne veux pas savoir. Donc ce que j'ai demandé à Marie, c'est que, Mika, t'entends ? Ouais. Ce que j'ai demandé à Marie, Mika aussi, c'est qu'elle va nous faire un thème, là, et on va devoir trouver qui c'est. Ah, enfin, alors, soit on fait ça, elle fait un thème, ou elle fait les deux, et on essaie de trouver. Le mieux, c'est que tu fasses les deux à vite. Ouais, les deux. Exactement, ronfle. Le côté enfant, le confet qui dort, c'est bon, c'est Laurent, ça, on sait. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que tu vas faire les deux, plutôt, pas un et un. Tu vas faire les deux, tu vas dire le premier, et c'est ça, le deuxième, et ça, et on va essayer de trouver. Marie. Ok, c'est parti. Alors, le premier, il a un maître nombre 11, 2. Oh, ce qui... La chance. Oh, c'est un dominateur. Ce qui l'un en vous fait deux est un dominant. Ce qui en fait une personne très inspirée. Il pourrait avoir de fortes intuitions, des rêves prémonitoires, et il serait bon pour lui de les écouter et d'y prêter attention. Il a une très forte énergie, mais doit comprendre qu'il ne peut pas toujours être à fond. Il aura ainsi des hauts et des bas, mais dès lors qu'il aura compris qu'il a besoin de se ressourcer, il parviendra à trouver un équilibre pour repartir du bon pied. Il est technicien et aime peut-être les écrans, la créativité méticuleuse, le métal, le froid. Il se sent différent et peut avoir du mal à créer du lien. Pourtant, c'est un hypersensible qui est toujours là pour aider les personnes en difficulté, les animaux en danger, sauver la planète. Son nom indique un besoin d'impacter, une forte indépendance et beaucoup de créativité. C'est une personne qui souhaite être fiable, carrée et n'aime pas les personnes inconstantes sur qui on ne peut pas compter. Il est compréhensif à l'écoute et prend soin des autres. Attention néanmoins à ne pas tomber dans une trop grande rigidité ou de la maniaquerie, ni à prendre toujours soin des autres, quitte à s'oublier. Il y a besoin d'indépendance, soit en étant à son compte, soit en étant à un poste de direction. Voilà, terminé. Ok, alors, moi, je pense savoir qui c'est. Mais, moi aussi. Avant de commencer, tu vas faire un petit instant promo Marie, parce que là tu l'as fait. Oui. Je pense savoir qui c'est. Mais ça se trouve, je me trompe, mais voilà. J'ai une question à te poser. Est-ce que peut-on nous expliquer, parce que quand on est numérologue, on n'en fait pas de numérologie, mais peut-on nous expliquer ce que c'est qu'un thème ? Quand tu fais quelqu'un, tu te dis voilà, j'ai besoin de vous, est-ce que vous pouvez faire mon thème ? Ça consiste en quoi ? Quel est l'intérêt de ce thème, de faire un thème pour une personne, pour un numérologue ? Ben, si tu veux, la personne à qui je vais faire son thème, par exemple, admettons que ce soit toi, tu vas me donner ton prénom, ton nom, enfin tes prénoms si tu en as plusieurs, tes noms si tu en as plusieurs, ta date de naissance, et grâce à ça, en fait, là, par exemple, je m'appuie que sur les prénoms pour les super-héros, et en gros, on découvre déjà une bonne partie de la personnalité. Avec la date de naissance, ça va être encore plus vrai, et ça va permettre, en fait, de comprendre quels sont nos atouts au quotidien et quels sont les endroits où on peut être plus en difficulté. Et ça va aussi permettre de comprendre quels sont nos besoins. Par exemple, quelqu'un qui a été dans une famille où il y avait de la créativité qui était possible, où on lui a donné accès à des loisirs, etc., il n'y aura pas de souci, il va certainement continuer adulte. Quelqu'un qui a été très jeune, poussé à des études assez élevées parce qu'il en avait les moyens intellectuels, puis peut-être aussi poursuivre l'école, enfin voilà, il va peut-être faire ça, mais du coup, on va peut-être pas lui ouvrir à sa créativité, il va peut-être se retrouver à 30 ans, 35, 40 ans, complètement déprimé, sans savoir pourquoi. Et quand je vais lui faire son thème, il va me dire, mais c'est vrai que petit, je dessinais tout le temps, par exemple, ou j'avais toujours envie de danser. Ouais. Mais ça, c'est des choses qu'on oublie, en fait, dans le quotidien. Et l'intérêt de faire son thème, en fait, c'est de mieux se retrouver en phase avec soi-même, avec ses besoins, et de pas tomber dans les travers, là, par exemple, que j'ai pu décrire pour tous les super-héros, où, bah oui, le 6, c'est la maman qui prend soin des autres, mais en fait, un 6 qui est pas épanoui, ça va devenir quelqu'un qui est hyper maniaque et qui est désagréable. En fait, oui, par exemple, dans la description que tu nous as donnée là, si j'ai bien entendu, attention à la personne que tu as décrite, attention, elle peut avoir des excès maniaques, c'est ça ce que tu disais tout à l'heure. Oui, voilà, parce que si elle est déséquilibrée, si elle n'est pas épanouie... Pas mentale, hein, déséquilibrée. Mais, non, si elle est... c'est pas du tout déséquilibré. Non, c'est si elle est déséquilibrée dans sa situation. Par exemple, puis il y a des fois, on est fatigué, en fait, donc on va tomber dans des... Puis au fur et à mesure, en fait, selon notre entourage, il va se dire, ah oui, non, mais de toute façon, on a toujours été maniaque, mais en même temps, cette personne-là a peut-être juste besoin que... On les la caresse dans le sens du poil. Non, ou que les choses autour d'elle soient en ordre, mais si l'entourage ne fait pas d'efforts ou quoi que ce soit, bah, il va peut-être redoubler d'efforts parce que pour lui, c'est un besoin. Mais du coup, si tu veux, au bout d'un moment, ça peut devenir un cercle fatigant pour lui. D'accord. Ça peut devenir... La numérologie permet aussi de te comprendre toi-même, de te prévenir aussi de certains défauts de ta personnalité et d'y remédier pour aller mieux. C'est ça. D'accord. Donc la personne que tu nous as décrite, j'espère qu'elle a bien retenu, quand on saura qui c'est, les défauts pour peut-être... les améliorer, je sais pas, ou au moins il y a une prévenance qui a été faite, en tout cas. Peut-être que ça la caractérise pas du tout, hein, mais généralement, de ce que tu me dis, parce que en off on se connaît, mais généralement tu tombes tout le temps dans le mille. Donc voilà. Je vous le dis, les gars. Voilà. Parce que je la connais bien, Marie, donc on est copains, donc voilà, c'est pour ça. Donc je sais qu'elle a déjà fait, t'as fait pour ma fille, vite fait. Ah oui. Et pour Salomé, tu avais fait une description de ses qualités, défauts, etc. Et il y a des choses à travailler plutôt. Enfin, c'est pas des défauts. Tu dis tout le temps, c'est des choses à travailler. Voilà, c'est pas... Bah oui, parce qu'en fait, c'est pas des défauts. Parce qu'en fait, une fois que c'est équilibré, ça devient des qualités. Donc, C'est pas des défauts. Tu le dis toujours, ça. Voilà. Mais nous, par exemple, avec notre fille, ça nous a permis, je vous le dis clairement, de travailler certaines choses. Voilà, quand on nous a dit, si une enfant qui a besoin d'avoir confiance en elle, tu dis, faut travailler ça, tu vois. Donc, du coup, on travaille ça avec elle, etc. Mmh. Parce que nous, on l'avait remarqué, mais quand tu l'entends d'une numérologue, tu dis, ah oui, effectivement, ça donnait ça, etc. Voilà. Pour vous dire, c'est une science, non ? Enfin, je sais pas si c'est une science, mais au moins. Tu m'as dit science douce, j'avais trouvé ça joli, je retiendrai ça, moi. Ouais. Puis je trouve ça. Science molle. Plutôt que science molle, c'est pas très beau. Mais par contre, je trouve ça sympa que ça ait pu vous aider. Puis surtout, je trouve que c'est. Là où ça aide, c'est que c'est pas forcément évident d'être objectif quant à soi, et c'est pas facilement forcément non plus une évidence que l'entourage soit objectif quant à la personne. Et du coup, quand c'est quelqu'un d'extérieur qui vous dit quelque chose, ça réagit tout de suite différemment. Et puis surtout, par exemple, en tant que parent, c'est difficile d'être neutre face à son enfant et de se dire, ah bah tiens, là, elle manque de confiance en elle, mais admettons que vous, vous manquiez pas de confiance en vous, ça peut être un peu en mode mais je comprends pas pourquoi elle manque de confiance en elle, elle a toujours tout réussi, etc. Mais il y a certaines personnalités, ça va être comme ça. Donc une fois que c'est expliqué, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de, bah, de savoir comment s'y prendre, en fait. Et du coup, c'est beaucoup plus fluide. Tout à fait. Donc voilà. Donc merci pour ce premier thème. Alors, je pense savoir qui c'est. Pauline aussi. Moi aussi, je pense. J'ai juste une question. Attends, je t'envoie un texto. Ouais, ouais, est-ce qu'on peut te poser des questions? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Avec joie. Juste là, est-ce qu'on peut mêler okay. astrologie et numérologie ensemble? Ah oui. Parce que en astrologie, il y a aussi les thèmes, du coup. Et, Ouais, c'est mon souhait. Moi, c'est ce que j'aimerais, c'est apprendre l'astrologie après. Et là, ce que je fais dans mes thèmes, je n'ai pas encore appris l'astrologie, mais par contre, je me suis beaucoup documentée. Donc, je n'ai pas encore fait de cours en soi. Et du coup, je mêle l'astrologie, c'est-à-dire qu'à la fin du thème, je fais une partie astro aussi pour voir ce qui ressort. Et souvent, je trouve qu'il y a des connexions, en fait. Enfin, ça confirme, en fait, ce que j'ai dit dans le thème est confirmé par les trois premiers signes que j'étudie, c'est-à-dire le solaire, le lunaire et l'ascendant. Ouais. Et l'ascendant, oui. OK. Ouais. Tu as dit que tout à l'heure qu'il avait le numéro 11, donc c'est un leader? Oui. Il D'accord. est fait pour l'idée, il a un côté super prof, super thérapeute, oui, oui. D'accord, ok. Super thérapeute, ouais, c'est ce que je vais te demander. Est-ce que c'est un bon leader ou pas? D'accord. Normalement, c'est un bon leader, mais on se souvient que 11, il y a aussi Hitler qui est 11, donc il y a le côté, le 11, attention, il ne devient pas comme Hitler. Non, mais comme tous les nombres, en fait. Tous les nombres ont leur quai. Mais je me souviens que tu avais dit que le 11, c'est un super leader, mais il fait tout en grand. Genre, au lieu d'avoir un restaurant 5 places, il va faire tout en grand. Ça, c'est plus le 22, mais oui. C'est plus le 22. Ah, je me suis trompé alors. C'était le 22. Mais de toute façon, tous les maîtres nombres vont avoir tendance à être un peu dans le toujours le plus. Par exemple, Johnny et Coluche, ils étaient marqués par le 11, tu vois. D'accord. Johnny, tu vois, l'enterrement de Johnny, le 14 juillet à côté, c'était pâle, quoi. Tellement c'était énorme, l'enterrement. Et tu disais tout à l'heure, il est fait pour être son propre patron, c'est ça, dans son caractère? Bah, moi, je vois un besoin d'indépendance, soit en étant à son compte, soit en étant un poste de direction. Après, il y a des personnes qui arrivent toute leur vie à faire différemment, mais il faut voir s'ils sont quand même épanouis ou pas. C'est une question d'équilibre. Voilà. D'accord. OK. Vas-y pour le deuxième, du coup. Si on a un texto, Pauline. C'est répondu. C'était répondu. Okay. C'est un émotif. Alors, le deuxième est un émotif hypersensible qui cache ses sentiments derrière une attitude très volontaire et indépendante. C'est un leader solaire qui peut avoir une grande créativité. Il faut apprendre à se reposer et se ressourcer pour éviter des hauts et des bas émotionnels trop importants. Le nom de famille indique un grand besoin d'impacter pour servir l'humanité en passant par le changement. On y trouve le maître nombre 33-6. C'est un super dominateur. Le 33, normalement, c'est le super soignant, le super maman, la personne super à l'écoute, etc. Ça donne des qualités aussi d'expression, d'optimisme, de créativité, de leadership, d'indépendance, d'ouverture d'esprit, d'humanisme, d'inspiration, voire de médiumnité. En fait, les numérologues, ils disent que le 33, il a les qualités du 11 et du 22. Et du coup, ça donne 33. Vous m'entendez toujours? Oui, on t'entend. Okay, en fait, on est en train de parler avec Pauline. Il faut veiller néanmoins à ne pas tomber dans un sacrifice extrême, dans l'autodestruction, la colère, la timidité, le jugement critique. L'expression totale indique à nouveau un besoin d'impacter dans l'idéal, donc dans les voyelles, ce qui signifie qu'au fond d'elle-même, la personne a besoin de réalisations concrètes, matérielles ou spirituelles, pour être satisfaite et avoir confiance en elle. Elle a une grande technicité et peut apprécier les écrans, les ordinateurs, le métal, le côté circuit imprimé. Comme le premier, du coup. Ah ouais. Oui, il y a du 7 dans les deux. Hein. Les deux ont du 7, c'est pour ça. Ça rejoint un peu Olivier et Laurent, ça, parce que c'est ce qui, ça c'est commun. Parce que vous êtes sur YouTube, vous avez tout le temps un téléphone, ils ont tout le temps sur eux leur caméra, leur téléphone. C'est normal parce que c'est leur travail. C'est leur passion. Voilà. Ils ont des chaînes, etc. Donc du coup, ce que tu as décrit là sur les deux, pour nous, ça va pas forcément nous aider. C'est vrai. Déjà, rien que c'est vrai parce que tu les connaissais pas, je pense pas avant. Donc, en tout cas, ça représente au moins cette partie-là des deux. D'accord. Donc, j'étais juste à la fin. Puis je termine, c'est la dernière phrase pour le dernier. Son expression totale, donc fait 6, rappelle du coup que ce qu'il souhaite par-dessus tout, c'est un monde harmonieux, serein et plein d'amour. Mais, ouais. Non, normalement, ils sont pas tout Alors, à du coup, fait pareils, j'hésite maintenant avec mon premier. Bah ouais. Ouais, parce qu'en fait. Je vais essayer d'être plus précise. Ouais, mais en fait, ils ont des Sur nombres le en deuxième, il y a commun. moyen d'être un tout petit peu précis que le premier. Ils ont des nombres en commun aussi, c'est pour ça. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, ils sont assez proches. C'est est-ce que ça. quand deux personnes ont un thème. Tiens, pardon, tu tiens. Est-ce que. Laurent et Olivier sont tout le temps fourrés ensemble. Voilà. Hein. Bah ouais, mais en fait, ils ont le même nombre. Voilà. Mais, le duo de choc. Voilà, le duo de choc. Voilà. Mais c'est exactement ça. Est-ce que, d'après les thèmes que tu donnes, ils sont compatibles? Oui, en fait, si tu veux, ils ont. Alors, je vais te donner les nombres du premier, puis les nombres du deuxième. Attends. Alors, dans le premier, on trouve du 9. Il y en a dans le deuxième. Dans le premier, on trouve du 6, du 9, 69. Allez, les gars, hop, c'est bon. On trouve du 2. Le deuxième est plutôt marqué par le 1. Donc, ça, c'est la différence. Oui. Dans le Et le 1, c'est quoi qui marque le plus? Le 1, c'est le côté super leader. D'accord. D'accord? Sauf que le premier, il a plutôt du 2, mais du 2 qui vient du... Enfin, c'est du 11-2, donc il y a deux fois le 1. Donc, on retrouve le 1 encore. Donc, ça veut dire qu'on retrouve le 9 dans les 2, le 7 dans les 2, le 1 dans les 2, le 8 dans les 2. 8, juste, les gars, c'est le chiffre de l'avocat. Alors, je vais vous préciser les choses. Le premier a un côté plus rigide, plus contrôle, plus sécure. Et le deuxième, un côté plus maman, plus enveloppant, plus doux. Voilà, en gros. Okay. Je pense, mais il n'y a pense, pas beaucoup va. De différence en fait. Il hein. y a beaucoup oui, de oui. différence. Mais c'est... Du coup, ce que tu dis, c'est que effectivement, par rapport à... Ils s'entendent très bien tous les deux. Je me permets de parler pour vous, les gars. Hein. C'est comme ça. ils s'entendent très bien. Hein. C'était vraiment les... Ils sont copains, comme cochons. Et du coup, il y a vraiment un lien. Ce que tu dis, que les thèmes ont l'air assez rapprochés. Mm-hmm. Vu que les thèmes sont rapprochés, c'est une évidence au niveau de la numérologie qu'ils s'entendent bien tous les deux. Alors, ça pourrait être qui tout double, c'est-à-dire, tu sais, il y a des personnes à qui on ressemble et au début, avant qu'on se comprenne, on ne peut pas se sentir. Mmh. La plupart du temps, moi, ce que j'ai noté, c'est que les gens dans notre entourage, nos proches, souvent, on a vraiment beaucoup de nombres en commun. Moi, j'ai remarqué dans les couples, donc les gars, j'ai remarqué vous étiez dans fait les pour copains. Vous rencontrer. Ouais. Voilà. Et au niveau astro aussi, d'ailleurs. Voilà, c'est dit par Marie, c'est fait par vous. Ouais. Hein et au niveau quoi? Et au niveau astro aussi, j'ai constaté là, à travers des copains et tout, qu'en fait, quand tu regardes un petit peu, et ben, on se retrouve tous sur des points communs, c'est assez marrant. Les gars, vous étiez faits pour vous rencontrer. C'est ouais. ça. C'est beau. Hein. Il faudrait mettre la musique. Elle vous connaît hein. même pas, rien qu'avec vos noms et prénoms et des numéros. Elle dit, ouais. Alors moi, je laisse Pauline. Attends, je vais te dire Pauline. Vas-y. Je vais te dire. Je t'envoie un message du coup au Tibet. Tu m'envoies un message? Attends, parce que on est tous d'accord. Parce que en fait, je vais dire comme Pauline. Ça serait bien que les gars se disent, eux, ce qu'ils ont pensé. Parce que c'est dur d'être honnête bah. quant à soi. Ouais, de se faire par bah. Rapport à soi-même, c'est, ouais. c'est dur. Bah, je me reconnais dans les deux, donc il y a des trucs. Oui, bah, c'est normal, du coup. C'est un peu difficile. Alors, ouais. je pense qu'on va laisser Pauline, mais Mika. En gros, vous avez un nous. Nombre d'écart, les gars. Vous avez un nombre qui vous distingue. C'est pas beaucoup. Hein, sur Et c'est quel nombre? Et bah, il y en a un qui a du 4, si tu veux. Oui. Quand l'autre il a du 5, donc si tu veux le deuxième va être plus adaptable, le premier va être un peu plus rigide et le deuxième il est plus marqué par le 6 parce qu'il a du 33 et il a du 6, mais le premier il a aussi du 6 mais il est moins, il y en a moins en nombre, moins prononcé en quantité, ouais voilà. Alors mais, on est tombé d'accord tous les trois, mais vu que c'est pas sûr les gars qu'on est, on va laisser Pauline dire. Mika m'a envoyé le courage. M'a envoyé... Non mais Mika, ah, le courage MJ. Donc, en fait, du coup, moi j'avais une première version, mais Pauline m'a convaincu. Donc, voilà. Donc et Olivier et Mika vient de m'écrire, et du coup, oui. Donc, du coup, on est d'accord sur le 3. Je voudrais juste dire un truc, c'est que effectivement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, les deux, ce que tu as décrit, Marie, les deux thèmes, c'est très proche. Et la façon dont tu l'as décrit, moi, je vous connais un peu plus que Pauline et Mika, c'est comme ça que je les vois. Moi, les gars, c'est comme ça que je vous vois quand je vous vois au quotidien, enfin, pas au quotidien, mais quand je vous vois, et que j'ai toujours plaisir à vous voir, etc. Mais comment, c'est comme ça que je vous vois. Et c'est vrai que ce chiffre qui vous fait la différence, c'est la seule chose qui me permet, moi, déjà, de confirmer ce que va dire Pauline et Mika. Voilà. Mais c'est ce que je pense. Après, ça se trouve, c'est pas vrai. Mais en tout cas, sachez que ce qu'a décrit, pour moi, ma perception, Marie, de vous, c'est exactement ce que je pense de vous. Voilà, et c'est que du bien, bien entendu. Mais il n'y a pas de méchanceté ni rien. Après, voilà, on va voir. Pauline, vas-y, je te laisse dire. Moi, je pensais Olivier le premier et Laurent en deuxième. Et c'est ça, Pauline. Yes! Ouais. Bravo, voilà les gars. On est tous raison. Et en plus, tu vois, vous voyez, ce que Mika et Pauline qui m'ont écrit, on les connaît pas tant que ça et en fait, on pense que c'est ça. Vous voyez, bah du coup, c'est incroyable. Donc bah, voilà les gars, vous avez votre thème, vous savez de quoi travailler maintenant, hein, les gars. Exactement, ouais. Voilà, vous savez trois cas. Okay. Donc ça joue sur quoi déjà? Il y en a un qui est hyper. Attends, vas-y, répète-le parce que. Alors. Alors, le premier, du coup, va être inspiré, beaucoup d'intuition, attention aux hauts et bas émotionnels. Ah, Olivier, par contre, et Olivier, ça c'est vrai. Très technicien, les écrans, créativité, le métal, tout ça. Par contre, c'est un hypersensible et il est vraiment sensible à la difficulté des gens, à la différence, aux animaux en danger, par exemple, ou à l'idée de sauver la planète. Tu as des bêtes, Olivier, chez toi? Ou ça peut être l'écologie. Oui, j'ai un chat. Voilà. Tu aimes ton chat? Voilà, le chat. Bah oui. Voilà. Protège ton chat. Voilà. Ouais. C'est exactement comme ça qu'Olivier, moi, je te perçois comme un hypersensible, moi. C'est peut-être pas, je ne pas. Ouais, non, mais si, non, mais je suis reconnu. Quand elle a fait le premier thème, je me suis dit c'est moi. Ouais. Quand elle a fait le deuxième, elle a dit ah ça peut être moi aussi. Donc j'étais un peu perdu. Donc, Parce qu'en fait, ce que disait Marie, vous êtes tous les deux très proches. Ouais, donc, oui, à son niveau de la numérologie. Donc c'est... Et Laurent, alors toi, quand ton thème, alors, tu croyais que t'étais le premier ou t'étais le deuxième? Bah, comme Olivier, c'était très difficile de se trouver parce que les définitions se ressemblent énormément. Il y a juste des petits détails qui diffèrent, mais sinon, ouais, c'était. Ça pouvait être l'un comme l'autre, hein, de toute façon. Résumé, c'est très proche. C'est très, très proche. Vous êtes des gens bien, voilà. De bonne composition. C'est gentil. Voilà. Il y en a un qui est plus sensible et l'autre qui l'est moins. Plus souple aussi. Plus souple. Mais je pense, Laurent est plus souple peut-être. Ouais. Ouais. Oui. C'est sur la description que tu as fait. C'est quand tu as dit qu'il est plus méticuleux et compagnie, je me dis ça ressemble plus à Olivier. Et le côté ouais, organisé, technique et tout. Jouer et compagnie ressemble plus à Laurent, du coup. Ouais. Hey, vous rendez compte, les gars? Hey. C'est vrai. Il vous voit moins que moi. Et il le pense. Ouais, comme quoi, la numérologie. Voilà. Rigolez, Mika et Pauline, c'est vous les prochains. Ah. Oh, waouh. Voilà. Donc, du coup, il faudra juste vous m'autoriser à donner vos noms à Marie. Voilà. Je comprends mieux pourquoi j'étais... sensible au gardien de la galaxie 3, du coup. Oui, j'allais dire, oui. En plus, j'allais dire avant, sensible aux animaux, ouais. Je me suis dit, ça a un lien avec le film, c'est sûr. Ah, ouais. En même temps, c'est vrai qu'il est émouvant. Un peu aussi comme moi. En tout cas, Marie, alors, petit instant promo quand même, parce que déjà, merci pour le travail que tu as fait. Merci. De qualité, il faut dire ce qui est. Laurent et Olivier, merci d'avoir fait pour Laurent et Olivier. C'était aussi pour permettre, pour faire plaisir à Laurent, Olivier, et puis Marie s'était proposée aussi, mais c'est aussi pour faire comprendre aussi que la numérologie, alors je suis pas j'en pratique pas ni rien, mais je connais ça d'extérieur, mais que eh bien, ça peut aider sans doute les gens à mieux se connaître et à prévenir des difficultés, je pense. Ouais, c'est ça, à les prévenir puis à les guérir une fois que ben, on est par exemple parti sur une mauvaise voie en pensant bien faire et puis qu'on se rend compte qu'on est un peu coincé et que à force on perd confiance en soi et puis on sait plus vers où se diriger. Ben, là ça va être un peu la lueur en fait dans l'ombre qui va venir vous dire ça par exemple ça peut vous plaire et au fur et à mesure la personne va retrouver son chemin en fait. Ouais. Voilà. Et ça faut le travailler etc. Donc c'est voilà. En tout cas voilà, merci Marie parce que nous c'est le deuxième avec Mika et franchement il était aussi bien que le premier. Franchement je sais pas Mika, je trouve ça vraiment bien. Regarde, j'ai quasiment pas dormi, je suis venu quand même. En tout cas, Marie, franchement, non, merci. C'est passionnant. Oui. Mais merci. Je vais vous mettre le lien de Marie, les gens, les services de. Alors, t'as pas fini ton site internet? T'es censé le finir? Non, je vais te le donner quand il sera. Oui, tu as mené. En tout cas, il y a la page Instagram. Oui. Donc, allez voir la page Instagram de Marie. Elle fait des stories quasi tous les jours, ou un jour sur deux, ça dépend. Ouais. Des fois sur des prénoms. Donc, si jamais ça tombe sur le prénom, sur votre prénom, bah, boum, voilà. Si, donc, demain, elle fait Olivier, bah, boum, tu vois. Voilà. Ou après-demain, Laurent, boum, voilà. Voilà. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à faire appel au service de Marie si vous ressentez le besoin. bah, d'être écouté, entendu, puis peut-être pour prévenir vos difficultés éventuelles dans votre vie. Voilà. C'est bon. Voilà. Laurent, actualité de tes réseaux YouTube? Ben là, on retourne au parc là, et oui. Ça va être très, très riche parce que là, on arrive à la fin des 30 ans, le début de Halloween. On démarre une nouvelle saison, ça va être pour suivre, ça va être très, très intéressant. La dernière vidéo de Laurent, c'est sur un magazine qui s'appelle Parc et Loisirs, c'est ça? C'est ça, oui. Voilà. C'est ça. Donc, qui est dédié aux maisons hantées dans les parcs. Oui, c'est le thème principal du magazine. Voilà. Donc, du coup, si je ne me trompe pas, tu fais une nouvelle formule de vidéo que tu appelles Disney Creators, si j'ai bien compris. Tu as appelé numéro 1, donc je pense que c'est dans 1, 2, 3, 4. Oui, voilà, où tu présenteras un Creators, voilà, je pense. Voilà, il y a déjà c'est un peu l'idée. Il y a déjà une liste. Bon, bah, c'est bien. Olivier, actualité. Oui. Actualité, ma dernière vidéo, c'est sur la chaîne YouTube de Main Street Actu, où il y a mon ami Laurent, justement, que j'ai filmé et qui me fait voir ce qu'il aime à Disneyland Paris, entre autres. D'ailleurs, tu te fais pas la barbe à Disneyland, tu fais que la coupe de cheveux, Laurent. Ah bon, moi, bah oui. Pas toute barbe. Comme moi, si par j'y vais, tu me fais que la barbe. Par contre, Olivier, il a besoin de se faire la barbe. Ouais. Ah bah, moi, je pense que je vais y aller ce week-end pour le faire. Ouais. Ah bon, là. Faut faire la queue longtemps avant, hein, pour avoir un rendez-vous. Ouais. C'est vrai. Bah non, ouais. Vous avez l'air de passer au premier coup, vous. Bah oui, parce qu'il a attendu une heure avant. Ah ouais. Avant l'ouverture. Ouais, demain. Ok. Oui, donc tu aimais ça et puis ta chaîne. Ma chaîne aussi, oui, ma chaîne YouTube, Olivier Wonderland, tout attaché. Donc la dernière vidéo, c'était sur la fin de. La chaîne de Olivier in Wonderland, sponsorisée par le groupe Earth, Wind and Fire. Ça fait très gardien de la galaxie. Ça pourrait, ça pourrait. Ça pourrait, hein. Donc, hyper sensible. Donc je vais faire une vidéo demain de la soirée, bien sûr, comme Laurent, je pense. Bien. Et puis si on pouvait se voir un petit peu avant, histoire qu'on boit un coup ensemble. Avec plaisir. Et c'est oui, bien sûr. Y a pas de souci. Je suis demain, samedi, dimanche. Voilà. Moi demain et samedi. D'accord. On pourra se voir demain et samedi. Ouais. Voilà. Avec grand plaisir. Mika, est-ce qu'il y a un nouveau tatouage de fée? Ah, ça a coupé. Mika. La question là. Ça a coupé, t'as fait une pause. Allez, c'est bon. Alors, du coup, ton Instagram avec tes tatouages. C'est ça. Alors moi, je fais rien de particulier. Je suis l'ovni dans le tas. Et tu sais qu'on voudrait bien que tu viennes à Disney, nous. Ça parle de Marvel, c'est bon. On voudrait bien que tu viennes à Disney. Comme je t'ai dit. T'as jamais fait l'Avengers Campus? Avec plaisir. Non, jamais. J'y suis allé qu'une seule fois à Disneyland et l'Avengers Campus n'existait pas à ce moment-là. D'accord. Ah, ça te plairait, je pense. Ça sera avec plaisir. Dès que j'aurai fini ce que je suis en train, enfin mon déménagement, toutes les merdes qu'il y a en ce moment, et après, pourquoi pas qu'on puisse se retrouver tous là-bas avec grand plaisir. Il y a intérêt. Pauline, actualité, Insta Pauline. Plus TikTok, du coup. Oh, TikTok. Ouais. C'est quoi déjà sur TikTok? Pauline DLP. Pauline DLP. Bah oui, est-ce qu'on peut plus utiliser Disneyland? Parce que tout le monde s'est fait rattraper, je crois, si je ne me suis pas trompé. J'avais mis ça comme ça. C'est le mot Disney qui est banni. Il y a plein de comptes Twitter qui sont fait fermer hier ou avant-hier, je sais pas. Oh là là. Donc Pauline DLP sur Chic-Choc. Voilà. Voilà. Ça. Donc ça va, t'arrives à être à jour au niveau de tes vidéos? Parce que tu disais. Plus trop de choses à mettre parce que je ne suis pas allée depuis. De toute façon, on se voit demain, nous. Horrible. Oui, donc demain. Et samedi, ça a une place libérée. Donc, oui, parce que samedi, c'est la dernière journée pour les 30 ans, je crois, du parc. Ouais. Donc, demain soir et. C'est bien, on va tous se réunir. Ça va être cool. Parce que, en fait, le truc, c'est que, Marie, tu sais qu'ils vendent de la margarita à Disneyland. Ah oui. Ah bon ouais. Non, je ne savais pas. Bah, on te le dit. Sauf que. Elle se boit bien. C'est vrai? Ah bon. Olivier, elle se boit bien ou pas? Je savais pas que la margarita. Il y en a. Ah bon ? Il y a de la 16 et il y a de la margarita. Et c'est le même prix. Bien sûr. Elle est meilleure en Rainforest Café. Oui, ouais, bah après c'est... En quantité, doit être plus grande aussi, non ? Oui, c'est un pichet. Ouais. Tu peux prendre un pichet par personne, si tu veux. Qui c'est qui conduit après ? Qui conduit le bus ? Ah, Mika, tu es en bus ? Comme ça, tu pourras nous ramener. Soyons fous. Voilà. En tout cas, merci. J'espère que Laurent, Olivier et Pauline, ça vous a plu, cet épisode spécial numérologie. Je trouvais ça plutôt sympa de faire ouais, c'était chouette. C'est génial, ça change un peu... De l'ordinaire. On se retrouve alors, parce qu'en fait, Pauline, elle a fait un super truc que je ne sais pas faire, c'est un calendrier des enregistrements. Marie, tu sais que tu peux venir quand tu veux, tu n'es pas obligée d'attendre qu'on fasse un épisode numérologie. Hein. Ok, bah avec plaisir. Hein faut pas hésiter. Merci. Alors, je suis en train de regarder, mais elle a fait un calendrier, je ne le retrouve plus. Mais je crois que le prochain, c'est Ashoka, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, il me semble. Ashoka Tano. Ah oui. Alors, j'ai une surprise à vous annoncer. Il y a Ashoka, ça, on vient qui veut. Comme de toute façon, ça ne change pas. Deux, c'est Lorcana. J'ai réussi à avoir un vendeur de cartes. Ah, super. Donc, il va nous expliquer sa journée de feu qu'il a eue. Ah, tu m'étonnes. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Il me l'a expliqué, j'ai halluciné. Voilà. Et tenez-vous bien, on fera un épisode spécial Thor, Loki et Odin avec une professeure d'université d'histoire nordique. Oh, super. Wow. Voilà. Ouais, c'est classe ça. Ouais. C'est voilà. Génial. Donc du coup qui nous fera et alors du coup les gars potasser Thor, potasser Loki, Sif parce que en fait moi j'ai posé quelques questions et elle me parle de Sif, de Heimdall, machin, quand elle m'en a parlé, j'ai fait ah ouais. Sif ? Ah ouais. Sif, moi je connais que Monsieur Propre mais c'est un RVC moi. Voilà. On va tous les faire. Je connais Ikea, non, c'est bon. Et tu savais que Thor, dans la mythologie nordique, il était marié avec Sif. Ah, je ne savais pas. Oui, non. Il est marié avec Sif, oui. Hein. Donc, tu vois, c'est des trucs de... Elle m'en a parlé et tout. Et en fait, on a commencé à en parler. J'ai fait, waouh, la vache, moi, en fait, j'avais carrément l'impression que avec les neuf mondes, tu sais, enfin, vous verrez. En tout cas, j'attends juste confirmation du jour. Mais en tout cas, je vous invite à venir parce qu'elle a accepté de venir. Et de nous parler de mythologie nordique, parce qu'en fait c'est ce qu'elle enseigne à ses étudiants, c'est son boulot, voilà. Donc d'ailleurs j'ai appris que les gars on dit pas, enfin vous savez d'où vient le mot viking ? Quand tu parles de viking, tu penses que c'est un peuple viking ? Mm-hmm. Rien à voir. Elle m'a expliqué qu'en fait un viking c'est celui qui fait une viking, c'est-à-dire une mission de pillage. D'accord. C'est pas un peuple, c'est pas les c'est un pirate, c'est pas danois ou... ouais, c'est un sorte de pirate. Ouais, c'est ça. Et en fait, ouais. Le viking, c'est celui qui fait une viking. C'est pas du tout un peuple. D'accord. Voilà, et faire une viking, c'est faire un pillage, un assaut, enfin. C'est comme expliquer. On sera embête encore une fois ce soir. Ouais. Tu vois, c'est et voilà. Quand elle m'a dit bah Sif est marié avec Thor est marié avec Sif, c'est pas possible. Hein. Quand elle m'a dit que Heimdall était vraiment celui qui faisait le lien entre la Terre et puis comment. Ah, aide-moi, Mika. Le pont Arcan. Hein ? Quel... Entre la Terre et. Le pont Arcan-Ciel. Asgard. Et Asgard. Voilà. Donc, non. Après, elle m'a expliqué que les géants de Jotunheim étaient vraiment dans la mythologie, en fait. Enfin, tu vois ? Oui, mais. C'est vraiment dans tout ce qu'ils utilisent plus ou moins. C'est vrai. Quand même expliqué. Ah ouais, on verra. Du coup, j'attends juste le jour, je le mettrai sur l'agenda. Et du coup, elle sera là et on consacrera un épisode à Thor, Loki et puis Odin, enfin l'univers des Thor. Voilà. Et d'ailleurs, elle m'a expliqué si tu veux un rock. Du coup, voilà. Donc, voilà. Voilà, c'était la surprise que je voulais vous faire. Voilà. C'est une super idée. J'attends juste qu'elle me confirme et puis je vous verrai la date sur l'agenda. Voilà. Ça sera au mois de novembre. Et voilà. Donc voilà. Et donc son boulot, c'est qu'elle enseigne aux étudiants l'histoire nordique. Voilà. Sur ce, podcast fini. Merci en tout cas tout le monde pour ce podcast. Merci Marie spécialement. Merci Marie. Merci Laurent. Merci Marie. Merci. Voilà. Merci. Olivier et Laurent, vous savez que vous êtes faits l'un pour l'autre. Oui, ma tante sait. Il y a des choses à travailler quand même. Voilà. Il y en a un qui est en recherche d'indépendance, Olivier apparemment. C'est ce que j'ai compris. Ou déjà indépendant, c'est ce que tu as dit, puisque c'était le profil numéro 1. Donc, Laurent aussi, du coup, c'était pareil. Là, ça jouait sur pas grand-chose. Mais en tout cas, voilà. Vous avez votre thème. Pour ceux qui veulent avoir leur thème, il faudra contacter Marie. Je mettrai le lien. qui vous aidera en faisant votre thème. Voilà. Et allez voir, allez vous abonner à elle. Elle fait des stories sur la numérologie. Voilà. En tout cas, merci Marie. Merci Laurent. Merci Olivier. Merci Pauline. Merci Mika. Prochain podcast sur la fin d'Ashoka. Olivier, t'es à jour ? Ah oui, oui, grave. Laurent, t'es à jour ? Non. Mika, t'es à jour ? Je rattrape. Alors, on m'en veut pas. J'ai toujours pas vu un seul épisode. Je vais tous me les faire d'un coup. Pauline, t'es à jour ? Je rattrape aussi, là. Il faut rattraper, là. Hein. Voilà. Ça fait du bien d'avoir une bonne série. Voilà. Ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Mais en plus, j'ai vu des trucs sur Internet et je me dis non, faut que je spoil. Bah non, faut que tu spoil. Bah, il faut que tu fasses. Mais bon, après, on met les gens sur les groupes Facebook aussi, ils mettent tout. Tout. Ouais, c'est vrai. Alors, et merci au micro de Pauline, parce que Pauline a fait l'achat d'un micro. Donc, on t'en... Ouais, c'est un beau micro. Ouais. C'est un avec grand plaisir. Il fait des belles lumières. On la voit même plus derrière. Elle a une petite loumousse devant. J'ai l'impression d'être dans la Star Academy, là. Ouais, dans un single. Non, mais... T'as fait de l'ASMR au début ou pas ? Non, même pas. Je suis belle, ton micro, il est luisant. Il est luisant, ouais. Et je peux changer de couleur, mais je sais plus comment. Il est reluisant. Voilà, nous on se voit demain en tout cas pour la soirée Villainous Night. J'espère qu'il y aura des vilaines. Des vilains. Normalement. Et les filles viennent déguisées. Ouais, les filles viennent déguisées. Ah, t'allais te demander si les filles viennent déguisées ou pas. Ouais, les filles viennent déguisées, ouais. Oh, trop chou. Ouais, elles viennent déguisées. Ah, pareil en plus. Donc voilà. Bien. Voilà. Donc on va voir ce que ça va donner. Moi, je pense pas qu'il y ait... J'espère qu'il y aura du monde, mais pas beaucoup non plus. On va voir ce que ça va donner. Ouais, faut que ça soit vivable quand même. Ouais. Ouais. On verra. Hein. Petit conseil, Pauline, c'est ta première soirée. Ouais. Si on est ensemble, faut qu'on choisisse quoi faire. D'accord. On peut pas tout faire en même temps. Je crois qu'il faut faire soit spectacle. Bah, faudra savoir ce qu'il y a aussi. Moi, je veux manger. Il n'y a pas de programme. Mais oui, je me suis dit. Alors, d'habitude, sur les anciennes soirées, j'ai vu qu'il y avait des trucs qui annonçaient. Et là, je me suis dit, purée, il n'y a rien. Enfin, en fait, ils disent il va y avoir des trucs. Voilà, c'est ça. Mais je ne sais pas exactement. Il va y avoir des attractions. Puis ça se trouve, ça va être tout. Des déguisés. Mais attention, les restaurants sont ouverts. Wouhou! En plus, j'arrive tard. J'arrive à 21h30. Non, mais moi aussi, j'arrive à cette heure-là. Comme ça, genre 21h30. Mais on est d'accord, on peut récupérer les bracelets même à cette heure-là, oui. Parce que j'ai appelé. Oui. Et en fait, je stresse trop. Je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est la première fois que je fais une soirée Disney. Et ça me perturbe que ce ne soit pas, tu vois, comme habituellement quand je viens à Disney. Et ça me stresse trop. Je ne sais pas pourquoi. J'ai peur qu'il y ait en fait une merde qui tombe dessus. Tu vois, donc, j'ai contacté tout le monde, l'hôtel, Disney, pour savoir si la conciergerie a été ouverte, la bagagerie, j'ai tout. Tellement ça m'a paniqué. Ah, c'est toi, ils ont mis le truc. Demande à Pauline Chaumont d'arrêter d'appeler la conciergerie. On a eu l'annonce sur Disney Pass Annuel. Mais non, mais parce que moi, je veux pas me trimballer. En fait, je peux pas aller à l'hôtel. Étant donné qu'on arrive à 21h30, je veux pas aller à l'hôtel directement et perdre du temps. Donc, je me suis dit, j'espère que la bagagerie est ouverte. Oui, et en fait, elle est ouverte jusqu'à 2h30. Ah oui, donc voilà. Oui. Pareil, pour rentrer jusqu'à l'hôtel. Moi, c'est pareil, j'ai appelé pour savoir si c'est ouverte. Elle me dit, oui. Vous avez combien de bagages ? Non, c'est pour déposer mes enfants. Elle m'a dit que c'est excellent. Et les pauvres. Oui. Bon, on se voit demain en tout cas en train de boire de la margarita chez Coco. Voilà. Chez Coco. J'emmène ma cousine, on lui donnera peut-être pas de la margarita. Elle a quel âge ? Ta cousine, elle a 12 ans. Ah bah non, un Coca zéro. Un Coca zéro. En tout cas, merci tout le monde. On se voit là demain. Merci. Nous, on à se toi. Voit demain. Ouais, de rien. Merci Marie. Merci d'avoir fait le thème de Laurent et Olivier. Merci. Voilà, qui sont faits l'un pour l'autre. Et alors, juste question. Oui. Olivier et Laurent, vous êtes quel signe astro du coup ? Ah oui. Moi, je suis Taureau. Ok. Je suis Cancer. Ok. Oui, sensible. Ah oui. Et ouais, c'est vrai qu'il est. Enfin, Olivier est aussi très sensible. Ouais, et Laurent aussi, hein, ils sont tous les deux sensibles. Mais ce qui serait intéressant, tu vois, c'est de voir leur ascendant et lunaire. Oui. Ouais, parce que là, j'ai des gens là autour de moi, trois copains super proches, et en fait, ils ont tous les mêmes signes, mais placés différemment. Et là, tu te dis, c'est dingue. Ouais, c'est clair. Ouais, parce que l'ascendant, il fait tellement. Est-ce que l'année de naissance, ça, c'est la numérologie ? Oui, voilà, ton année de naissance, si tu veux, si je te faisais ton thème en entier, par exemple, je prendrais donc tous tes noms, tous tes prénoms, ton jour, ton mois, ta date D'accord. de naissance, Okay. et du coup, Ton voilà. groupe sanguin? Non, non, Tout groupe pas sanguin. encore, non, non. Pour pas le groupe sanguin, voilà. Bah Ben, je après, sais même pas, toi. T'es quoi comme signe astro? Scorpion. Oh, quoi? Ah là là. Mais non, c'est pas possible. Non, Si, mais c'est comme si pourquoi? l'ascendant doit jouer. C'est pas Hein? possible. C'est pas possible. Parce que Pourquoi moi, c'est possible? j'avais scorpion autour de moi, ils sont pas comme toi. C'est vrai, ils sont comment? Ouais. Bah, ma grand-mère est. Bon, après, c'est. Ma grand-mère était à scorpion, ascendant scorpion. Donc, dur, dur, dur, dur, dur, Bah, dur, dur, dur. je suis scorpion, ascendant scorpion, Mais quoi? Mais c'est pas moi. possible. Ouais. Si? Quoi? Non. Je verrai demain, en vrai, en live. Bah, je En sais pas live. comment c'est. Non, je suis scorpion, je suis scorpion. Comment c'est qu'on son ascendant? Tu mets ton heure de Je... naissance, ta ville de naissance, avec ton année de ton ta date de naissance. Alors, attends, ma date de Va sur le naissance. site Astrothème, il est bien. Astrothème. Ouais. Et toi, Marie, t'es quoi du coup? Je suis Gémeaux, ascendant Balance, lune en Cancer. Ok. Alors, attends, Voilà. Astrothème, j'y suis. Et Et toi, t'es Mika, quoi? juste la signe astro, Mika, c'est quoi? Je suis vierge ascendant cancer, il me semble. Ok. Vierge, c'est vrai. J'ai... Ah, c'est tout gentil ça. Alors, Et toi, t'es attends. quoi, Pauline? Moi, je suis Lion, ascendant Balance, et mon signe solaire, c'est Poisson, je crois. Comment? Ah oui, Attends, bah je suis tu sur vois, eh, on est pas Astrothème et après loin. je vais dans quoi? Hein. Astrothème. Poisson Cancer. Je suis sur Astrothème, je vais où après? Après, tu as calcul ascendance à peu près au milieu de ta page, sur le côté gauche. Mais T'as c'est ascendant. chouette. Ouais. L'ascendant, ça Ascendant. révèle beaucoup de choses quand même. Hein. Je veux dire, Signe t'as des ascendant, côtés. c'est pas ça? Ouais, c'est ça. Attends. Maintenant, vous savez, quand Donc. je clique dessus. Donc, tu notes ton heure de naissance et ton jour de Votre signe naissance. solaire. C'est ça? Ouais. C'est bon? Non, attends, je vais sur le site en même temps, je vais te guider. Bah attends. Mais je crois que je suis scorpion, ascendant scorpion en plus. Donc, tu descends et donc ta personnalité, tu fais ascendant et thème. C'est ça, ascendant et thème astral, je crois. Donc, tu cliques là. Attends, je vais d'en haut, tu m'as dit? Voilà, les gens, Donc, les auditeurs, on le fait en direct. Hein. sur les Alors, vas-y. côtés, Attends, je ascendant vais dans et ma thème personnalité. astral. Donc, Attends, tu mets ton prénom, enfin, tu mets un B pour Benji, C'est je quoi? saurais que c'est Ascendant toi. et thème astral, c'est ça? Ok. Tu mets Sixième. ton jour de naissance. C'est quoi Ouais. ton jour de naissance? Mais attends, je le connais, je le connais. Attends, je le remplis. Tu mets ton mois de naissance, ton année, tu mets l'heure de naissance et tu mets bien la ville où tu es né. Et puis tu vas voir après ta carte qui apparaît. Je l'ai écrit en entier, là, je mets pas le code postal. Non, bah de toute façon, tu sais, là, ça va dérouler. Ah oui, c'est bon, j'ai vu. Ouais, il va te proposer une Ok. ville parce que c'est les villes précises en fait. Thème astral. Et tu mets Carte du poursuivre. ciel. Ouais. Et je suis. Et c'est où que je vois? Bah là, du coup, normalement, si tu as mis poursuivre, tu vois ton signe, tu vois ton ascendant là déjà, c'est bon Ah ou pas? oui. Votre signe, scorpion. Ouais. Ascendant balance. Ah voilà. D'accord. Ok. Et du coup, d'ailleurs, la balance, c'est la justice, au fait. Hein. Mais oui, Et justement. Oui, c'est terrible. Ça va Et me quand coller à la tu. peau. En plus, j'ai le numéro C'est 8 qui ouf. me colobasque, moi. C'est ça. Et quand tu vas Donc, j'ai eu mon en. thème Et quand. astro. Et quand tu vas ensuite, tu sais, tu vois une sorte de cercle en fait où tu as tous les signes astrologiques, bah, tu vas repérer le signe de la lune et tu poses juste la souris dessus sans cliquer. Et en fait, ils vont te mettre lune en. Lune en sextile Mars. Ouais, mais C'est ça, normalement, non? tu tombes sur un signe. 16 mars. C'est marqué que je suis comme Emma Watson. Si tu mets ton doigt sur la lune, Oh. ton Harry doigt sur Potter, la allez lune. au Mora. Si tu mets ta souris sur Ah, ça, c'est bon. normalement. Sélectionner un objet. Faut que j'aille jusqu'en bas. Vas-y, mets ta souris. Ouais, vas-y, clique sur la lune du coup. Attends, j'ai perdu ma lune. Clique sur la lune. Oh là là, c'est pire. C'est pas une lune, c'est un cercle avec des signes dedans. Mais il faut que tu cliques sur la lune pour savoir ton signe lunaire. Bah, moi, j'ai Oui. votre signe scorpion, votre Ouais. ascendant balance. Après, Ah. tu as le grand cercle où tu as tous les Ouais. signes, machin. Oui. Repère la lune, donc le croissant de lune. Ouais, c'est marqué 22 degrés. Voilà, ben tu vas sur dessus et ils vont te dire lune en nanin. Lune en nana. Lune Bah non, en, ça. bah je sais pas quel signe, Ah, quoi. attends. Lune. Bah non, en fait, c'est sur le croissant de lune jaune, là. Bah ouais, clique dessus alors. Ah, si bon, faut cliquer dessus. Lune en poisson. Ah bah voilà. Ah, C'est pour ça qu'il est tout doux et qu'il est drôle. Les poissons. Ah bon? Voilà. Ben oui. Oui, parce que scorpion, ils sont violents. Poisson en maison V. Maison V. 5. Ah d'accord, maison 5. Lui, il croit à Romain. Ouais, lui, il croit à mes bâtons. Lui, il croit à mes bâtons. Maison V. Croit à mes bâtons. Lui, Xvi. C'est ça, Xvi. Bon, il est pas loin de minuit, c'est pour ça. Voilà. En tout cas, on va s'arrêter là. Voilà, signe astro. Donc, j'ai appris que j'étais scorpion ascendant balance et de lune poisson en maison 5. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Voilà, mais ceux qui savent, tant mieux. Voilà. Apparemment, la lune représente la réaction instinctive de la personne. Voilà. Donc, j'ai retrouvé ma lune. Que tu montes à l'extérieur. Si je me trompe c'est pas. Incroyable. Numérologie, astrologie, tout se rejoint. Voilà. C'est trop bien. Tout à fait. En tout cas, on va s'arrêter vraiment là, du coup, parce que là, faut qu'on arrête. Merci à tous. Le podcast sort bientôt, parce que je fais le jour même, donc voilà. Vous pourrez l'écouter demain matin. Ça va être bien, en voiture. Ouais, en allant au parc. En allant au parc. Eh, Marie, tu nous écoutes Marvelicious, toi, tu m'as dit. Oui, moi, j'avais adoré l'épisode, là, je t'ai dit, sur... sur les gardiens de la galaxie. Puis je découvre d'autres trucs. C'est un gagné marché. L'épisode où on dit qu'on n'a pas arrêté de pleurer. Ah oui, mais c'est vrai que c'était triste. Plus Olivier, du coup. Oui. Tu sais que je l'ai regardé deux fois encore là récemment. Non, mais n'importe ouais. quoi, Olivier. Arrête de te torturer. Arrête de pleurer, comme ça, Olivier. Arrête de pleurer. Tu fais du mal là. Pourquoi tu t'infliges ce genre de choses? Est-ce que. Est-ce quoi, là quand tu le revois, c'est pas pareil. Ouais, t'es moins inquiet. Quoi? Oh, moi je pleure quand même. Oui, c'est émouvant, toujours, mais. Oui, mais bon, ça reste un super film. Voilà, la fin des gardiens. Maintenant, Star-Lord en solo. En tout cas, la prochaine fois, Mika et Pauline, ça va être votre tour. Voilà. Yeah, j'ai hâte de savoir. Voilà. Bon courage à vous. Bonne journée ou bonne soirée. Merci de votre écoute. Bye.